السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée du samedi 1er Dhul Qa'da 1434 de l'Hégire, correspondant au 7 septembre 2013, بإذن الله تعالى. طيب, donc, inshallah ta'ala, nous sommes maintenant, nous revenons à notre Riyad Salihin, les jardins vertueux. Et comme vous remarquez ici, nous sommes, inshallah ta'ala, toujours au tome numéro 1, au cours numéro 101, donc, chapitre, la certitude et la confiance en Allah Azza wa Jal. Et l'imam Nawawi a commencé et commence tous les chapitres d'abord par les versets qui ont rapport avec le chapitre et ensuite les hadiths. Donc le chapitre c'est la certitude et la confiance en Allah Azza wa Jal. Tous les versets qui ont rapport avec la certitude et la confiance en Allah Azza wa Jal, on les a vus yani, dans le cours qui avait rapport, c'est-à-dire dans le cours numéro 100. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'auteur va parler des ahadiths qui ont rapport avec al-yaqin, la certitude, et al-tawakkul, la confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Je vais le lire en arabe, ensuite en français, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, عرضت علي الأمم طيب إن سكوند عرضت علي الأمم قال فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن ينظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال عليه الصلاة والسلام أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة رواه البخاري ومسلم نعم واللفظ له هنا طيب Maintenant, le hadith inshallah ta'ala en français. D'après Abdullah Abbas radiyallahu ta'ala anhu. نعم que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou plutôt Abdullah ibn Abbas a dit radiyallahu ta'ala anhu. Attendez pour que le hadith ne monte pas. Je dois désactiver quelque chose pour que le hadith ne monte pas. Non. Une seconde. Donc, d'après le compagnon, Abdullah ibn radiyallahu ta'ala anhu, il manque la fin du hadith. Comment il manque? Je vois pas. Je vous lis. Le prophète Ali a dit, on a fait défiler devant moi. Tayyib. Afwan, si vous pouvez ne pas écrire, jazakumullah, quand vous écrivez, le hadith monte. Et je ne peux pas lire. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a fait défiler devant moi les nations. Je vis alors un prophète et avec lui moins de 10 adeptes, puis un prophète qui n'avait que 1 ou 2 adeptes. Enfin, je vis un prophète qui passait tout seul. Soudain, une troupe nombreuse surgit. J'avais cru qu'il s'agissait de ma nation, mais on me dit c'est Moussa et sa nation. Puis on me dit, regarde plutôt à l'horizon. Je regardais et je vis une grande multitude de gens. Puis on me dit de nouveau de regarder de l'autre côté de l'horizon. Et je vis qu'une masse nombreuse barrait l'horizon. Voici ta nation, me dit-on. Et il y aura en outre 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Puis il se leva, alayhi salatu salam, et entra dans sa demeure. Alors les compagnons restés sur place se mirent à discuter à propos de ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Certains dirent, peut-être s'agit-il de ceux qui furent les compagnons du messager d'Allah alayhi wa sallam, dans ce monde. D'autres rétorquèrent, il s'agit plutôt de ceux qui sont nés en islam et n'ont rien associé à Allah azza wa jal. Et ils continuèrent à discuter quand le messager alayhi wa sallam sortit de chez lui et leur dit, pour leur montrer qui sont les 70 000, il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas d'incantation, c'est-à-dire ruqya, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Ni ils demandent qu'on leur fasse ruqya, ni ils font des ruqya aux autres. Et ce sont ceux qui ne consultent pas les augures, ne sont pas superstitieux, et ceux qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, ils ont trois choses. Alors, un sahabi du nom de Ukasha bin Muhsin se leva et dit, ô messager d'Allah, implore Allah pour moi pour que je sois du nombre de ceux-ci. Alors le prophète alayhi sallam lui répondit, tu en fais partie de ceux-ci. Puis un autre homme se leva et demanda à son tour la même chose. Mais le prophète alayhi sallam lui répliqua, Ukasha t'a devancé en cela. Ukasha t'a devancé en cela. Il a dit que il est rapporté par Bukhari et Muslim. Tayyib. Maintenant, est-ce que vous m'avez dit que pour vous, il n'y avait pas la fin de l'hadith, n'est-ce pas? Vous pouvez écrire maintenant. Est-ce que vous m'avez dit que pour vous, nous n'avons pas sur notre la fin? Non. Vous n'avez pas la fin, c'est que tout simplement parce que le programme ne peut afficher toutes ces choses-là, ne peut afficher autant de lignes, Donc ça s'est arrêté où chez vous? D'autres rétorquèrent, et dire, yani, et commencèrent à parler. Certains dire ceci, certains dire cela. Ce sont ceux qui n'ont pas associé, ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète alayhi salam. Mais le prophète alayhi salam sortit et leur montra. Il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas de ruqya, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Ils font pas aux autres. Et ce sont ceux qui ne consultent pas les augures. Ils sont pas superstitieux. Et ce sont ceux qui placent leur totale confiance en Allah Azza wa Jal. Alors un sahabi se leva et dit, ô messager d'Allah, implore Allah pour que je sois au nombre de ceux-ci. Implore Allah pour que je sois au nombre de ceux-ci. Naam. Le prophète lui a dit, tu fais partie de cela. Alors un autre homme se leva et dit, implore pour moi, ya Rasul. Il a dit, Rukasha t'a devancé en cette chose. Rukasha t'a devancé en cette chose. Taïb, attendez, j'essaye de le recopier là, de recopier la fin si je peux. Ça m'étonne, je vais voir si je peux. Vous, muslim, essayez de copier la fin, de la prendre, yani, du texte ici, de copier la fin si c'est possible, on va voir. Inch'Allah ta'ala. Est-ce que c'est possible? Ça m'étonnerait que le Paltok accepte plus de 3 ou 4 lignes. طيب maintenant on voit nous inshallah ta'ala. طيب بنت عبد الله j'ai une question. Est-ce que ça c'est ça vient de ce que j'ai affiché moi? Est-ce que tu as fait un copier-coller à ce que j'ai affiché moi dans le texte? Parce que je vois que c'est pas la même chose du tout, n'est-ce pas? J'attends la réponse. Oui, ce n'est pas la même traduction. Voilà, ce n'est pas la même traduction. Madish, de toute façon ici, ça n'a pas changé de sens. Sinon, des fois, là, quand c'est pas la même traduction, ça change de sens. Mais ici, alhamdoulilah, ça n'a pas changé de sens. Donc, les 70 000 qui vont rentrer au paradis, ce sont qui? Ma'alish. Ceux qui ne pratiquent pas l'exorcisme, ni sur eux-mêmes, ni sur les autres. Et ceux qui ne sont pas superstitieux, et ceux qui mettent toute leur confiance en Allah Azzawajal. Taïb. On va commencer à expliquer maintenant en arabe et simultanément en français, inshallah ta'ala. Cheikh bin Outhaymin rahimullah dit, بعد ما ساق المؤلف رحمه الله الآيات ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه. Cheikh bin Outhaymin dit, lorsque l'imam Nawawi رحمه الله a cité les versets qui ont rapport avec la confiance et la certitude et la confiance en Allah Azza wa Jal, il a dit, maintenant il a cité ce hadith azim, ce hadith, ce grand hadith très important, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que les nations précédentes ont défilé devant lui. Et ça, bien sûr, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait défiler devant ses yeux les nations précédentes. Sinon, c'est pas possible que les nations d'elles-mêmes viennent comme ça se défiler devant ses yeux. Plutôt, ça rentre dans un miracle, un des miracles que yani Allah subhanahu wa ta'ala lui montre comme ça toutes les nations devant lui. Ensuite, il a dit, Cheikh bin Uthaymin dit, Ey, Uriel Umama, alayhi salam wa anbiya'ahum. C'est-à-dire que Allah ta'ala lui a montré les nations et aussi leurs prophètes. Alors, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Fara'aytu النبي ومعه الرهيط فرأيت النبي ومعه الرهيط c'est-à-dire je vis alors un prophète accompagné d'un petit groupe d'adeptes. Rohait ça veut dire ça dépasse pas les 10, un petit groupe d'adeptes. Naam. Ensuite il a dit, le cheikh dit, et c'est-à-dire entre 3 et 10. Quand il a dit Rohait ici, ici en arabe, il a dit, j'ai vu un Nabi, j'ai vu le prophète accompagné de Ar-Ruhayt. Ar-Ruhayt, c'est-à-dire un petit groupe spécialement entre 3 et 10. Ensuite, il a dit, wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa ar-rajulan. Wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajula wa ar-rajulain. Et je vis aussi un prophète accompagné d'un ou de deux adeptes, c'est tout. D'un ou de deux adeptes, c'est tout. Et ensuite j'ai vu, قال, والنبي رأيت النبي وليس معه أحد. رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Et j'ai vu, yani, un prophète esselé. Quand il dit ici le, c'est pas quelqu'un, yani, le qu'il montre là-bas. Mais il veut dire, yani, des prophètes. Il a vu quelques prophètes, yani, esselés. Esselés, yani, qui sont venus tout seuls. Le cheikh dit, rahimahullah, أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كلهم قد أطاعهم قومهم. Il a dit, donc c'est une preuve que les messagers, hein, c'est une preuve que les messagers, pas tous les messagers, on leur a obéi. Pas tous les messagers, leurs prophètes leur ont obéi. Donc, inshallah ta'ala, vous me prêtez bien attention, vous suivez bien, vous écoutez bien, et vous, en même temps, vous écrivez là où je dis quelque chose qui vous fait, yani, un problème dans votre tête, non, ou bien une contradiction pour vous. Là, vous l'écrivez comme ça, yani, ça viendra dans les questions, inshallah ta'ala. Tayyib. Le Cheikh a dit, donc, c'est une preuve que certains messagers, leur peuple et leur nation ne leur a pas obéi. بل بعضهم لم يطعه أحد من قومه. Plutôt, il a dit le Cheikh, il y a certains messagers qui aucune personne ne l'a suivi ni ne lui a obéi parmi son peuple. Subhanallah al-Azim, aucune personne. وبعضهم أطاعهم مرات. Et certains, yani, leur ont obéi deux ou trois, ou alors cinq ou six ou sept. Et d'autres, yani, une seule personne ou deux. Naam. Wandur ila Nuh alayhi salam. Le Cheikh dit, et médite sur le cas de Nuh, de Noé alayhi salam. فقد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يذكرهم الله عز وجل ويدعوهم الله. Il est resté parmi son peuple combien? Il a dit, فمكث في قومه ألف سنة, 1000 ans sauf 50, c'est-à-dire 950 années, en train de leur faire le rappel et en train de leur faire la da'wa. Naam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, naam, qu'on va citer ici, il a dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ طُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeure parmi eux 1000 ans au moins. 1000 ans, afouan, moins 50 ans, c'est-à-dire 950. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Certains savants ont dit 950 années. Ce n'est pas sûr à 100% que c'est toute la vie qu'il a passé, qu'a passé Nuh à peuple. Mais certains ont dit 950 années seulement de da'wah. Mais Allah n'a pas cité combien qu'il est resté avant de commencer la da'wah. Et après vous avoir fini sa da'wah, il est mort. Et peut-être qu'il est resté encore quelques années. Ils ont dit, naam, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de très clair comme ça. C'est pour ça qu'on peut dire que peut-être il est resté 950 années seulement dans la da'wah. Seulement à leur faire la da'wa. طيب. ومع ذلك, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Naam. Il a dit, وَمَا آمَنَ مَعَهُ قَلِيلٌ إِلَّا قَلِيلٌ. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Imaginez quelqu'un qui fait la da'wa 950 années et ceux qui le suivent sont, yani, peu. Sont vraiment peu. Et pas la peine de vous dire que Nuh alayhi salam a fait la da'wa, comme il a cité dans un autre verset, jours et nuits, dans le secret et comme ça devant tout le monde, yani en cachette et devant tout le monde, au point où certains savants ont dit que il s'appelle Nuh à cause du verbe nahayanuhu, c'est-à-dire tellement il a pleuré et il s'est fait, comme on dit, du mauvais sang et du chagrin à cause de son peuple qui, yani, lui, il fait du da'wa du matin au, la da'wa du matin au soir et personne, yani, n'embrasse l'islam avec lui. J'ai dit l'islam car quand vous messagers sont venus avec l'islam qui veut dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, très peu qui lui ont obéi et ont embrassé l'islam. Ensuite, le cheikh dit كل هذه المدة ولم يلقى منهم قبولا. Il a dit toute cette période 950 années de da'wa et il n'a pas trouvé yani de leur part yani une acceptation. Bel wala salim même shadim. Pire encore, non seulement durant toute cette durée, il n'y a pas eu d'acceptation de leur part, pire encore, il n'a pas été préservé de leur mal. Ils lui ont fait du mal et du tort. Non. Comme a dit Nuh alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ça de lui dans le Coran, il a dit وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont, c'est-à-dire l'islam, ils ont ouvert leurs doigts dans leurs oreilles et se sont enveloppés de leurs vêtements et se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Allahu Akbar. Imaginez, tu fais la da'wah à quelqu'un pour qu'il aille au paradis, pour que Allah lui pardonne, pour qu'il vive éternellement d'une façon, il n'y a pas plus heureux que cela. Il n'y a pas plus heureux pour qu'il vive dans les délices. Et avant cela, pour que Allah Ta'ala le préserve de l'enfer. C'est pas seulement aller au paradis, mais avant cela, être préservé de l'enfer. Comme a dit Allah Ta'ala, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah Ta'ala dit, celui qui sera préservé de l'enfer et rentrera au paradis, aura quoi? Aura, yani, faz, aura réussi. Donc il y a deux choses. C'est pas seulement tu rentres au paradis, mais avant cela, ce qui est plus important, c'est servi de l'enfer. Et tu rentres à dire, et subhanallah l'adem, qu'est-ce qu'ils font eux? Non seulement ils n'acceptent pas, mais ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Imaginez, quand tu parles avec quelqu'un, tu parles avec ton frère, tu parles avec ta soeur, tu parles avec ton père, avec ta mère, il met quoi? Il met ses mains dans tes oreilles, il dit, j'aime pas que tu me parles, j'accepte pas. Ou bien il commence même à chanter. Il commence à chanter, je veux, subhanallah l'adem. Et en plus de cela, ils mettent quoi? Il y a une enveloppe. Ils s'enveloppent, yani, de quoi? De leurs habits. Ils prennent comme ça ces habits, ils les mettent sur leur tête. On ne veut pas te voir, on ne veut pas t'écouter. Subhanallah al-Azim. Et se sont entêtés et se sont montrés orgueilleux. Le Cheikh dit, en plus de cela, وَكَانُوا يَمُرُّونَ عَلِيُّ وَيَسْخَرُونَ بِهِ. Et en plus de cela, quand ils passaient auprès de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient de lui. Il se moquait de lui. Comme lorsque Nuh alayhi salam a commencé à quoi? A commencé à fabriquer l'arche, qu'on appelle aussi, c'est-à-dire une barque. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité, il a dit wa isna'u al-fulka wa kullama mar alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Donc quand il a commencé à construire la barque, quand il passait devant lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il riait de lui et se moquait de lui. Il riait de lui et se moquait de lui. Et il construisait l'arche. Et à chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Alors il a dit, si vous vous moquez de nous, bien nous nous moquerons de vous comme vous vous moquerez de nous. Donc pourquoi eux, ils se moquaient de lui et riaient de lui? Pourquoi? Parce que lui, quand il a commencé à construire la barque, Naam, c'était où? C'était dans un désert. Pas de son. Taïb, est-ce que vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Donc tout faire, c'est toi, inshallah ta'ala, à la mouchkila. Quand il a commencé à construire la barque, ils se sont étonnés. Pourquoi il riait de lui? Il se moquait. Il n'y avait pas de mer. Or, la barque, elle est construite et on l'a construite pour qu'elle vogue sur mer. Elle ne marche pas dans le désert. Donc, lui, il ne peut pas leur dire que voilà pourquoi je construis la barque. Il va y avoir, yani, quelque chose qui va venir qu'on appelle, maintenant j'ai oublié comment on appelle ça en français, je crois le déluge. Naam, il y a le déluge qui va venir. Tout va venir ici, eau et mer. Mais bien sûr, ils ne vont pas le croire. Et même quand il leur a dit ça, ils ne l'ont pas cru. Donc, ils se moquent et ils rient. Mais, l'essentiel ici, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si vous vous moquez de nous, naam, eh bien nous nous moquerons de vous. Nous nous moquerons de vous. On va se moquer de vous deux fois. La première fois, quand vous allez vous noyer. Et la deuxième fois, nous aussi, on va vous moquer, ou plutôt on va rire de vous, Yom al-Qiyamah. Donc il y a deux choses. Non. On va rire de vous deux fois. La première, quand vous allez vous noyer, et la deuxième, Yom al-Qiyamah. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela dans le Coran, il a dit, non. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ici il manque le ya je vois il manque le ya يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لون وما أرسلوا عليهم حافظين الله تعالى دي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون donc les criminels riaient de ceux qui croyaient premièrement ils riaient deuxièmement passant près d'eux ils se faisaient des œillades troisièmement retournant chez eux dans leur famille ils retournaient en plaisantant et en se moquant d'eux bien sûr en disant les fous les égarés etc quatrièmement quand ils les voyaient ils disaient ce sont vraiment ceux-là des égarés Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leur gardien. Allah Ta'ala dit, aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru hein, qui rient des infidèles. Sur des divans, ils regardent et, conclusion, est-ce que les infidèles la récompense de faiser? Taïb. Donc vous avez... Il a dit, l'essentiel ici, c'est quoi? Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Et conclusion, aujourd'hui, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Donc toi, il ne faut pas t'étonner quand les kuffars rient de toi. Rient de ta barbe et ton kamis. Naam. Et toi, Orti, ne t'étonne pas quand ils rient de ton djilbab et ton niqab. Naam. Il ne faut pas t'étonner, au contraire. S'ils rient de toi, dis subhanallah al-azim. Donc c'est une preuve que le Coran est vraiment d'Allah Ta'ala. Car il a dit que ils vont rire de moi et que moi, Yom al-Qiyamah, je vais rire d'eux. Donc, quand ils rient de toi, dis en ton cœur, riez, vous avez raison, d'ailleurs, vous devez rire. Car Allah Ta'ala a cité ça dans le Coran. Et, subhanallah al-Azim, ça se voit que je suis sur le chemin des prophètes. Les prophètes, on a ri d'eux, n'am, et moi, on rit de moi. Alhamdulillah, quel ni'ma, je suis sur le chemin des prophètes. Mais, Naam, dis-leur, si vous saviez que demain, Naam, quand Allah Ta'ala a dit aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Demain, dans le paradis, c'est moi qui vais rire de vous. Et je vous rappellerai, je vous dirai, vous riez. Naam, et bien maintenant pleurez, maintenant c'est moi qui ris. Allah Ta'ala a dit, sur les divans, ils regardent. Tu ris et tu regardes. En même temps tu regardes quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tu regardes? Tu étais aveugle et maintenant Allah Ta'ala t'a donné la vue, tu regardes. Non, les savants disent tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que il regarde le feu. Il regarde le feu. Toi tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, vous avez ri. Donc, est-ce que vous avez eu la récompense de ce que vous faisiez? Ensuite, le prophète alayhi sallam a dit Rufi Ali Sawad. Et yani, j'ai vu quelque chose comme ça de noir. C'est-à-dire beaucoup de gens. Fadanantuhum annahum ummati. J'ai cru que c'était ma nation. Parce qu'ils étaient nombreux. Faqila li hada Moussa wa qawmuh. Mais on m'a dit, celui-là c'est Moussa. C'est Moïse. Et son peuple. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, li anna Moussa min akthar al-anbiya tiba'an. Parce que Moussa alayhi salam, parmi les prophètes, c'est celui qui, yani, parmi les prophètes, a été beaucoup suivi. Bien sûr. Pas comme notre prophète, mais parmi les autres, c'est lui qui a été le plus suivi. Il a été envoyé fi Bani Israël, les enfants d'Israël. Wa anzalallahu alayhi Tawrat, Allah Ta'ala a descendu sur lui la Torah. Allati hiya umul kutub israiliya. La Torah qui est quoi? Ce livre-là, c'est la mère de tous les livres des enfants d'Israël. Comme vous savez que l'évangile, c'est quoi? La plupart ce qu'il y a sur l'évangile ou dans l'évangile a été pris de la Torah. La Torah, c'est la mère de tous les livres qui ont été envoyés aux enfants d'Israël. Et bien sûr, il y a beaucoup de livres qu'on ne connaît pas. Ensuite, le prophète a dit Alors ensuite on m'a dit, Andor, regarde. J'ai vu à l'horizon, voilà que il y avait maintenant une grande masse noire. Et dans une autre version, qui barrait l'horizon. On m'a dit, regarde le deuxième horizon. J'ai vu une grande masse. On m'a dit, ceci c'est ta nation. Cheikh Ibn Uthaymin dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aktharul anbiya'i tiba'an. Il n'y a pas quelqu'un qui a été suivi plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Li'annahu mundu bu'itha ila yawm al-qiyamah wan-nas yatba'unahu. Car depuis qu'il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin du monde, les gens le suivront. C'est pour ça qu'il sera le plus suivi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Fakana akthar al-anbiya'i yani tiba'an. Il a dit qad mala'a atba'uhu ma bayn al-ufuqayn. Il a dit ses adeptes, les adeptes du prophète alayhi salam, ont rempli entre ce qu'il y a entre les deux horizons. Il a dit wa ma'ahum 70,000, et avec eux il y aura quoi, 70,000 qui rentreront au paradis bi ghayri hisab wa la adab, sans jugement ni châtiment. Naam. Il a dit min muqifin jannah bidun hisab. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin a dit rahmallah, il a dit Allahumma ij'alna minhum. Il a fait une doua, il a dit ya Allah, faites de sorte qu'on soit parmi ces 70,000. Cheikh Ibn Uthaymin a dit wa qad warada anna ma'a kulli wahid min 70,000 ايضا. Il a dit et il y a un hadith qui dit que c'est 70,000, chacun des 70,000 aura avec lui 70,000 autres. Moi je dis le hadith est authentique. On va le citer après que avec ces 70,000, avec chacun de ces 70,000, il y aura 70,000 autres. Et dans un autre hadith authentique, avec chacun de ces 1000, avec chaque 1000, il y aura 70,000. Et les deux hadiths sont authentiques. Ensuite, Thumma Nahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, fadakhala manzilahu, il est rentré dans sa maison. Alors les gens ont commencé à discuter en polémiquant. Certains ont dit, ils ont dit comme ça dans leur cœur, puisqu'il nous a pas expliqué ce qu'il est 70,000. Alors ils ont commencé, chacun il donne son avis. Certains ont dit, la'allahum alladhina sahabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont peut-être, ils ont dit, ce sont ceux qui ont ceux qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde, c'est-à-dire les sahaba. Et d'autres ont dit la'allahum alladhina wulidu fil islam, peut-être ce sont ceux qui sont nés en islam, n'am, et n'ont pas associé Allah azza wa jal, ne lui ont rien associé. Il a ouvert ses yeux, il a trouvé ses parents musulmans et lui s'est trouvé en islam. Ils ont dit peut-être ceux-là. Ils ont dit pas comme nous on a adoré les idoles, etc. Ensuite, on a embrassé l'islam. Le cheikh dit wa kullun ata bima yadhun, et chacun donnait la vie qu'il croyait. Naam. Fa kharaja alayhim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète islam est sorti de sa maison. Fa sa'alahum amma yaquduna fih. Il a dit de quoi vous parliez, ou bien de quoi vous êtes en train de parler. Fa akhbaru, ils lui ont dit on est en train de parler des 70,000 que tu as cité, que tu as dit, ils vont rentrer au paradis sans jugement, ni compte, ni châtiment. Non, on parlait de chacun donner son avis. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, de qui vous parliez. C'est une preuve que quoi? C'est une preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît pas l'invisible. Non, s'il connaissait l'invisible, il sortirait directement sans poser cette question. Mais leur demandant de quoi vous parliez, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut être à 2 ou 3 mètres loin de toi dans sa maison et il ne sait pas ce que tu as dit. Al-Muhim, il leur a répondu, il leur a dit humul ladina la yarqun, ce sont ceux qui ne font pas de ruqya aux autres. Non, ne font pas de ruqya aux autres. Si tu l'appelles, tu lui dis viens faire une ruqya, te dit non, je viens pas te faire ruqya. Il ne fait pas ruqya aux autres. Wa la yastarqun. Ni ne fait de ruqya lui-même, c'est-à-dire ni il appelle quelqu'un, il lui dit viens me faire une ruqya, je suis malade. Wa la yatayyarun. Et ceux qui ne sont pas superstitieux. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mais plutôt ils placent leur totale confiance en Allah Azza wa Jal. طيب. Le cheikh dit هذا لفظ مسلم. Ça, c'est quoi? C'est la version du muslim. Mais c'est dommage, c'est quoi? C'est que, même d'ailleurs le cheikh ici fait la remarque, dommage que yani, muslim, quand il a ramené ce hadith, il n'a pas dit c'est la version du muslim. Il a dit mutafaq alayh, c'est-à-dire rapporté par Bukhari et muslim. C'est-à-dire les deux se sont mis d'accord sur ce hadith. Il a été rapporté d'un côté par Bukhari et d'un côté par Muslim. Et en arabe, quand on dit muttafaq alayh et on dit pas rapporté par Bukhari ou Muslim, il y a une différence. Si on dit rapporté par Bukhari ou Muslim, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a été rapporté par Bukhari et il a été rapporté par Muslim, c'est tout. Mais si on dit muttafaq alayh, si on dit les deux se sont mis d'accord sur ce hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus. C'est quoi? Ça veut dire qu'il a été rapporté par le même rapporteur, le même sahabi. Je sais pas si vous avez compris. Pour donner un exemple, ce hadith qu'on vient de citer ici. Si on dit il a été rapporté par Bukhari ou Muslim, donc c'est possible que Bukhari l'a rapporté. Naam, a rapporté ce hadith du biais de Abu Huraira. Et Muslim l'a rapporté du biais de Omar ibn Khattab. Vous avez compris? Ou bien Bukhari l'a rapporté par le biais, par exemple, de Mu'ad ibn Jabal. Et Bukhari, ou Muslim, Afoun, l'a rapporté du biais de, par exemple, Sa'd ibn Ubada. C'est un exemple. Mais c'est le même hadith. Mais il a été rapporté par deux sahabis, par exemple, différents. Mais si on dit mutafaq alayh, si on dit ils se sont mis d'accord les deux, ça veut dire que les deux l'ont rapporté par yani seulement Abu Huraira, ou bien les deux l'ont rapporté par Omar ibn Khattab, et comme ça. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur qui? Sur la personne, le sahabi qui l'a rapporté, c'est le même sahabi. El Mouhim. Ici, le Nawawi rahimahullah n'a pas dit que yani, c'est ici la version de Muslim. C'est la version de Muslim, c'est lui qui a rapporté cette version. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit la yirqun. Naam. Cheikh rahimahullah, la yirqun, ça veut dire ils font pas la ruqya aux autres. Cheikh Ibn Uthaymeen dit naam, kana yanbaghi an yubayyana anna hadha al-lafz li muslim faqat. Il a dit Nawawi rahimahullah aurait dû montrer que ici c'est la version de Muslim, pas la version de Bukhari. Parce que Muslim a dit quoi? A dit la yirqun, a dit que dans sa version qu'il a citée, il a dit que les 70 000 qui vont rentrer au paradis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils font pas la ruqya aux autres. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen dit cette phrase-là, la yirqun, est fausse. Wa la tasih an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne l'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Naam, il a dit li anna ma'na la yirqun, car si tu dis ils font pas la ruqya, ça veut dire donc qu'ils vont pas lire. Ils lisent pas sur le malade. Quand un malade leur dit venez faire ruqya, il dit non, on fait pas. Ils lisent pas. Il a dit wa hada batil, et ça c'est faux. Fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yirqi al-murda. Le prophète alayhi sallam faisait ruqya aux gens. Naam, il dit hadith, comme un hadith sahih, il est passé devant une ville comme ça ou un village, il a trouvé une femme avec un enfant. Hein, en train de pleurer, il lui a dit ya rasulallah ya rasulallah. C'est-à-dire dans ce sens, il n'arrête pas de pleurer. Il a dit donne-le-moi. Il lui a ouvert sa bouche, il a craché dessus, il a dit ukhruj, sors adouallah, sors ennemi d'Allah, c'est moi Rasulullah. Et à l'instant même, le djinn qui était dans le bébé est sorti et il lui a rendu le bébé yani, intact, mashallah, guéri à la seconde même. Donc le prophète alayhi salam a fait ruqya ici. Donc Muslim, quand il a dit que les 70 000, parmi les 70 000, pour être parmi les 70 000, on ne fait pas ruqya aux gens, il s'est trompé dans cette phrase. Naam, il fallait dire quoi? Il fallait dire, la yastarqun, ils ne demandent pas ruqya. ils ne demandent pas aux gens qu'on vienne leur faire une ruqya. Et non pas, ils ne font pas ruqya aux autres. Ensuite, Cheikh dit, wa aidan al-qira'a ala al-marda ihsan. Le Cheikh dit, quand tu lis sur quelqu'un, tu as fait quoi? Tu as fait quelque chose de bien, une bienfaisance. Alors comment se fait-il que maintenant, si tu fais une bienfaisance, hein, tu vas, ça va être la cause pour rentrer au paradis? Afoun, si tu ne fais pas une bienfaisance, parce qu'il a dit, l'air qu'on ne font pas la ruqya. Il a dit, comment se fait-il, si tu ne fais pas quelque chose de bien, hein, ça va être un sabab pour rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Il a dit, al-muhim, cette phrase-là, l'air qu'on est fausse. Dans le hadith de muslim. C'est pour cela moi j'ajoute ici une faïda très vite comme ça. Vous savez que après le Coran, le livre le plus authentique, comment il s'appelle? Il s'appelle Bukhari. Et après Bukhari, le livre le plus authentique s'appelle Muslim. Sahih Muslim. Mais certains savants ont préféré Muslim à Bukhari. Surtout dans la façon, yani des chapitres, de la façon comment ils ont été classifiés, etc. Non, pas dans la véracité, mais surtout dans la classification, la disposition des hadiths. Certains, surtout du Maghreb, non, on dit que Muslim yani, prévalait sur Bukhari. Mais l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est le Bukhari qui prévaut sur Muslim. Surtout sur les conditions de le Bukhari, car le Bukhari, yani, parmi ses conditions, c'est que chaque rapporteur doit avoir rencontré celui qui lui rapporte. Non. Alors que Muslim, non. Muslim, il, parmi ses conditions, c'est seulement que le rapporteur a vécu pendant la période de l'autre rapporteur, c'est tout, même s'il ne l'a pas rencontré. Bukhari, non, il dit qu'il faut que chaque rapporteur rencontre l'autre. Al-Muhim, ce que je voulais dire, c'est que Muslim, malgré que c'est le troisième livre, ou disons le deuxième, il y a Bukhari à lui, malgré que c'est le deuxième livre le plus véridique, malgré cela, il contient au moins 5 hadiths faibles. Au moins 5 hadiths faibles, entre autres celui-là. Celui-là, pourquoi ? Il a dit la yakun, il a dit les 70 000 parmi eux, pour être des 70 000, il faut pas faire de ruqya aux autres. Alors que le vrai, c'est ce qu'a dit le Bukhari. Le Bukhari n'a pas dit la yakun, il a dit la yakun, ne demande pas la ruqya et non pas ne font pas la ruqya. Car celui qui fait la ruqya, il a des récompenses s'il fait ça, fils à Billah. Comment se fait-il que c'est interdit qu'il fasse la ruqya? Al-Muhim, j'ai dit yas, au moins 5 hadiths. Ces 5 hadiths, moi je les ai écrits une fois, mais yani, ils sont quelque part dans une. Je sais où ils sont, dans des pages comme ça que j'ai cachées. Donc pour aller pour aller chercher c'est quoi les 5 hadiths, je ne l'ai pas fait. Mais je peux vous dire de ma tête que je me rappelle de 2 ou 3 ou peut-être 4. Donc celui-là, le premier, où il dit l'airon, qui est faible. Il est faible ici, il est chève, car la faiblesse du hadith. Ça dépend pour un hadith faible, c'est au moins 17 ou 18 sortes. Comme ici le shadh. Shadh, ça veut dire que il a contrarié quelqu'un de plus fort que lui. Naam. An yukhalifa thiqa man huwa awthaq minhu. Il a contrarié Bukhari. Bukhari est plus fiable que lui. Et des fois, ça peut être faible parce que c'est maqtu', ou bien munqati', ou bien mursal, ou bien mu'dal. Ou bien munkar. Et comme ça, il y a au moins 17 sortes pour dire qu'un hadith est faible. Donc ici, pourquoi ce hadith est faible? Pour avoir quoi? Pour avoir contrarié, plus fiable que lui. On dit de lui, c'est un hadith shadh. Shadh. Al-Muhim, je disais, ce hadith, il est faible. Et le hadith très connu, où le prophète, alayhi salam, quand il parlait de 7 personnes qui vont être ombragées au Qiyamah, sous l'ombre de... il n'y aura donc que l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit au sixième ou au septième? Qu'est-ce qu'il a dit? Et une personne qui va faire l'aumône, qui va cacher cela au point où sa main gauche ne verra pas ce qu'a donné sa main droite. Comme ça dit le Bukhari. Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Muslim a renversé. Il a dit, et une personne, naam, les 7 qui vont ombrager Allah, une personne qui va faire l'aumône est tellement caché que sa main droite ne verra pas ce qu'a donné sa main gauche. Il a dit le contraire. Les savants dit donc, Shedd, il a contredit plus fort que lui, le Bukhari. Bukhari a dit, c'est sa main droite qui donne et sa main gauche qui ne sait pas. Muslim a dit, c'est sa main gauche qui donne, sa main droite qui ne sait pas. Ils ont dit donc c'est faible. Nous on prend de Bukhari, c'est sa main droite qui donne. D'ailleurs il y a des hadiths authentiques qui disent quoi? Que le musulman donne avec la droite et prend avec la droite. Comment ici musulman il dit il donne avec la gauche? Al-Muhim, ça c'est le deuxième hadith. Le troisième hadith, où quand musulman a cité la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat de Kousouf et Khousouf, il a dit que il faisait trois roukous, trois fois, yani il s'incline et se lève, il s'incline et se lève, il s'incline et se lève. Alors que Bukhari et les autres ont dit, il s'incline deux fois, pas trois fois. Ils ont dit donc, ce qu'a dit Muslim ici, il chède, il a contredit plus fort que lui, c'est un hadith faible. Le quatrième hadith qui est faible dans Sahih Muslim, où Muslim a dit que quand il parlait que Allah Ta'ala avait créé les cieux et la terre, il a commencé par samedi. Il a dit samedi, Allah a créé, par exemple, le ciel. Dimanche, il a créé la terre. Et comme ça, la mer. Lundi. Ils ont dit, donc si on va compter, on va trouver, et on sait que, quand est-ce que Allah Ta'ala a terminé la création? C'est quand il a terminé par Adam alayhi salam. C'est quel jour? C'est vendredi. Ça? C'est vendredi. La dernière heure, c'est pour ça que c'est là-bas que si vous faites des doigts assez exaucés, c'est quand? C'est la dernière heure, hein, entre l'Asr et le Maghrib. C'est là-bas que Allah Ta'ala a terminé la création en créant Adam alayhi salam. Donc Adam a été créé un vendredi. Et Allah Ta'ala a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Donc venez, on revient marche arrière de 6 jours. Donc vendredi, il a créé Adam. Ensuite jeudi, deuxième jour. Ensuite mercredi, troisième jour. Mardi, quatrième jour. Lundi, cinquième jour. Dimanche, sixième jour. Donc, c'est impossible que Allah Ta'ala ait créé quelque chose le samedi. S'il a créé samedi, ça veut dire qu'il a créé le monde dans sept jours. Donc, voilà un quatrième hadith dans Sahih Muslim et subhanallah l'adim qui est daif. Le cinquième hadith, je ne me rappelle pas de lui. Si j'ai le temps, inshallah ta'ala, je vois dans mes notes. Le prochain cours, inshallah ta'ala, je vous le dirai. Al-Muhim. Sawab, donc le vrai c'est quoi? C'est de dire, parmi les 70 000 qui vont rentrer au paradis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas, yani, ne demandent pas. Ah, qu'est-ce qu'il dit ici? Les chrétiens disent aussi 7 jours. Non, les chrétiens ils peuvent dire même 8 jours. Non, les chrétiens, yani, Allah yahdi, on leur demande que Allah Ta'ala les guide. Al-Muhim. Sawab, donc le vrai c'est quoi? C'est de dire, l'aïstalkhoun. De dire qu'ils ne demandent pas la ruqya et non pas de dire qu'ils font pas la ruqya aux autres. Naam. Donc pourquoi ils demandent pas la ruqya? Shir dit li'annahum mu'tamidun 'ala Allah. Car yani leur cœur est attaché subhanallah ta'ala à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ils ont la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent c'est lui qui me guérit. Le cheikh dit, وَلِأَنَّ الطَّلَبْ, car le fait de demander à quelqu'un de te faire la ruqya, ça contient quoi aussi? Ça contient dhul, ça contient l'humiliation. Tu t'avides, hein? Et tu te fais petit devant la personne et tu lui demandes, si tu veux me faire ruqya, jazakallah, je suis malade, etc. Et presque tu as envie de pleurer pour lui montrer pour qu'elle fasse ruqya. Tu vois, donc, ça comporte le dhul. L'avilissement de la personne. Ensuite, ça comporte aussi quoi? Ça comporte sous elle le réel. Ça comporte aussi que tu demandes à quelque chose quelqu'un. Alors que les Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'allégeance au prophète alayhi salam. Il leur a dit que vous ne demandiez rien aux gens. Venez faire l'allégeance. Que vous n'allez pas associer Allah, que vous n'allez pas faire la zina, que vous n'allez pas voler et que vous ne demandiez rien aux gens. Et toi ici, tu vas demander naam, à quelque chose, yani aux gens. Tu vas leur demander quelque chose. Naam. Et ensuite, en demandant aussi, à part que tu as contredit le hadith qui dit on ne demande pas, et tu t'es avidi, ensuite, rubbama tuharijuhu. Peut-être qu'en demandant à la personne, tu vas la mettre dans l'embarras. Peut-être que la personne ne voulait pas lire. Et maintenant, tu l'as mise dans l'embarras, elle a honte de toi, elle te dit, bon, d'accord, mais dans son cœur elle dit moi je voulais pas ou j'aime pas ou ceci ou cela. Le mohim, tu as mis la personne dans l'embarras. Et en plus de cela, Cheikh dit wa rubbama idha qara'a 'alayka la yabra'u al-marad fattahima. Et peut-être ensuite que lorsque la personne va te faire ruqya et lire sur toi, et si jamais tu guéris pas ou le djinn ne sort pas, alors tu vas quoi? Tu vas accuser la personne dans ton cœur, bien sûr. Tu vas dire celle-là, c'est pas une bonne personne. Celle-là, sa foi est faible. La preuve, elle m'a lu le Coran, j'ai pas guéri. Subhanallah l'adim. Naam. Et yani, on peut même accuser yani, la personne d'autre chose, comme dit Cheikh Issi ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc, le vrai qu'on devrait prendre du hadith, ce sont quoi? Les 70 000, ce sont ceux qui, la yisterqoun, qualité ils ont, la yisterqoun, wa la yitatayaroun, wa la yiktaoun, wa ala rabbihim yatawakkaloun. Voilà ce qu'ils doivent avoir. Ce sont ceux qui, un, ne demandent pas la ruqya. Ne demandent pas la ruqya. Pour eux-mêmes, ils disent pas, viens faire ruqya. Deux, ne consultent pas les augures. Ne sont pas superstitions. Trois, ne pratiquent pas la cautérisation. Ne se brûlent pas avec des pointes de feu. Quatrièmement, ils placent leur totale confiance en Allah Azzawajal. C'est le hadith de Bukhari, 5705. Contrairement à un musulman qui a dit quoi? Qui a dit, ni ils demandent ruqya, ni ils font ruqya. Cette phrase, ils font ruqya, elle est faible. Même si elle est dans muslim, rahimahullah. Ok, bon, continue. Il a dit ici, min dhul nasu al ghayr, farubbama tuhrijuhu. Naam, wala yaqra alayk. Ok, ensuite, donc la première chose c'est quoi? Ils ne demandent pas qu'on leur fasse une ruqya. La deuxième des choses c'est quoi? Il a dit, ici, il a commencé par walayk ta'un. Il a commencé par, il ne pratique pas, naam, c'est pas les autres, mais il a dit, il ne pratique pas la cautérisation. C'est-à-dire, ne se brûle pas avec des pointes de fer. Ne se brûle pas avec des pointes de fer. Il a dit pourquoi? Parce que le fait de se brûler avec une pointe de fer, de se brûler ou bien de se faire brûler. Des fois, on a comme un bouton comme ça ou bien une plaie qui veut pas se fermer. Il y a toujours le sang qui coule ou bien le pu, par exemple. Des fois, tu vas chez quelqu'un, il te brûle. Avec quelque chose, une pointe de fer par exemple. Le hadith a dit, si tu veux faire partie des 70 000, il faut pas te brûler. Pourquoi? Parce qu'un hadith authentique, un autre, qu'est-ce qu'il dit? La yu'adhibu bin-nar illa rabbun-nar. Naam, ne châtie avec le feu que le Seigneur du feu. Le Seigneur du feu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi là, tu es en train de te torturer. Torturer avec ce feu. Car ça te fait mal, ça te brûle, etc. Alors que, yani, ne torture avec le feu que le Seigneur du feu. Hadith sahih. Tayyib, bien sûr, on va voir que c'est permis de faire quoi? C'est permis de se brûler dans le besoin. C'est permis de se brûler dans le besoin. On va le voir après, Inch'Allah ta'ala. Troisièmement, la yatatayyarun. Ne consulte pas les augures. Ne sont pas superstitieux. Le Cheikh dit, ni en voyant quelque chose. Ni en entendant quelque chose, ni en sentant quelque chose, ni en goûtant quelque chose. La yatatayaroun abadan, ne sont jamais superstitieux. Naam. Waqad kana al-arab, car autrefois les arabes, dans la période anti-islamique, ils étaient très superstitieux. En arabe, on dit at-tayara, et on dit aussi tayara, mais c'est plus qu'on est tayara, tayara, la superstition. Ça vient de quel mot en arabe? Ça vient du mot tayr. Tayr. Tayr, c'est quoi? C'est celui qui vole. Le pigeon, c'est un tayr. Le corbeau, c'est un tayr. Tout ce qui vole, c'est un tayr. Pourquoi donc la superstition vient du mot tayr? Vient du mot celui qui vole. Pourquoi? Non. Parce que les arabes, autrefois, quand ils avaient, par exemple, un projet, ils ne savaient pas le projet, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Nous, quand on ne sait pas si ça va marcher ou ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait une salat qui s'appelle istikhara, subhanallah l'adim, la prière de la consultation. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te choisir et tu dis dans la dua que, ya Allah, c'est toi qui connais l'invisible et moi je ne connais pas. Subhanallah al-Azim. Les Arabes, non, c'était des juhal, des ignorants. Qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre par exemple un pigeon, ou bien un corbeau, mais disons le pigeon parce que c'est plus facile à avoir un pigeon. Et ils vont comme ça dans un endroit, par exemple dans la rue, hein, et ils mettent le pigeon comme ça, ils l'entrent les mains, et ils le jettent comme ça vers le haut, ou bien vers l'avant. Et ils disent, auparavant ils disent, s'il va à droite, notre projet va marcher. S'il va à gauche, ça veut dire que le projet ne va pas marcher. S'il va en haut, peut-être qu'il va commencer à marcher, ensuite ça ne marche pas. S'il va en bas, et comme ça ils inventent des choses. Et s'il va vers devant, ça veut dire telle chose. S'il va vers l'arrière, ça veut dire telle chose. Subhanallah al-Azim. Alors que le pigeon, vous savez, quand vous le jetez, non, pour qu'il vole, non, c'est, yani, il ne va pas se dire à droite c'est ceci ou cela. Yani, il voit la direction qui yani, le convient, il la prend, c'est tout. Mais les Arabes, non. Ils étaient connus pour être superstitieux. S'il va à gauche, c'est dangereux. S'il va à droite, mashallah. Donc le projet va marcher. Subhanallah al-Azim. Ça rentre dans la superstition. Tayyib. Cheikh il dit, wa la yajouz li ahad. Et il n'est permis à personne. En yata tayyar. Qu'il rentre dans la superstition. L'habit toujours. Que ce soit par les oiseaux. Wa la bil ayyam. Ou alors que ce soit par les jours. Les jours. Certains disent, si c'est lundi, le projet marche. Si tu fais un projet un mercredi, ça ne marche pas, par exemple. Ou la bichour, ni par les mois, ou la réiria. Et auparavant, Cheikh avait dit, ni par ce que tu vois. Parce que certaines personnes, il va sortir, par exemple, dans la rue, il rencontre quelqu'un. Il dit, bon, puisque j'ai rencontré celui-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va être un mauvais jour pour moi. Ou peut-être je vais faire un accident de voiture. Et Subhanallah al-Azim, il ne monte pas dans la voiture, il dit aujourd'hui je ne vais pas travailler car j'ai rencontré X. S'il dit comme ça, il a fait du shirk, a'oudou billah. Et certains, quand ils voient une chose à la maison, ils voient par exemple une araignée, ou bien une araignée noire, ou bien rouge, ou bien je ne sais pas, d'après ce qu'on lui a appris. Il dit donc, il va m'arriver quelque chose de mal. Naam. Et il a peur. Ça c'est du shirk. Et des fois, c'est aussi dans le contraire. Il voit quelque chose, par exemple, c'est pas un papillon qui tourne sur sa tête. Il dit, ah bah, mashallah, le papillon est là. Donc aujourd'hui, c'est un jour heureux. Aujourd'hui, si je vais passer un examen, je vais l'avoir. Si je vais au travail, on va peut-être m'échelonner. Je vais monter, on va m'ajouter dans la paye. Et comme ça, aujourd'hui, je vais faire une bonne rentrée d'argent. S'il est commerçant. Pourquoi? Parce qu'il y a un oiseau qui est passé sur sa tête ou un papillon, je ne sais pas quoi. D'autres, je vous raconte ce qu'il y a chez nous. Peut-être chez vous, vous avez d'autres superstitions. Chez nous, je me rappelle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ou bien ma main me gratte beaucoup d'argent. C'est pas seulement ma main. Si c'est ma main droite chez nous en Algérie, c'est l'argent qui va rentrer. Si c'est la main gauche qui te gratte, c'est l'argent qui va sortir. On avait aussi autre. Les yeux, des fois ton œil, il commence à bouger tout seul, il commence à trembler tout seul. Si c'est la droite, mashallah, tu vas voir aujourd'hui, n'a pas vu depuis longtemps. Si c'est la gauche, tu vas voir quelque chose de pas bien et tu vas pleurer. Et subhanallah, les gens qui croient, ils vont avoir peur toute la journée. Si jamais son œil gauche va trembler, il va yani, faire du mauvais sang. Lorsqu'on voit un roux, il faut se gratter. Allah alam. Chez nous, il n'y a pas les roux, il y a seulement les cheveux noirs. Donc, il n'y a pas ça chez nous en Algérie. Al-Muhim. Allah, comme aujourd'hui, que ma... On va quand chez elle, je rentrais. À chaque fois que j'arrivais, le premier jour, et que j'allais l'embrasser, elle me disait, Subhanallah al-Azim. Mon œil droit n'a cessé de bouger aujourd'hui, de trembler. Je savais que yani, tu allais venir ou bien que quelqu'un allait venir. Elle me disait, mon œil droit n'a pas arrêté de bouger. Et certains disent aussi, quand tu jettes par exemple comme ça, tu jettes tes souliers par terre ou bien tu les as enlevés, en train de les enlever avec tes pieds, Ensuite, il y a un soulier qui va monter sur l'autre. Un soulier qui va monter sur l'autre. On me disait, quand j'étais jeune, on m'apprenait la aqida, mashallah. On me disait donc que tu vas voyager aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui. C'est un signe d'un voyage. Tu vas voyager bientôt. Parce que, comme le soulier est monté sur l'autre, donc tu vas monter dans la voiture, ou l'avion, ou le train, ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça aussi, barakallahu fik. Voilà ce qu'on a en Algérie. Il ne faut pas manger dans une marmite. Sinon, le jour de ton mariage, il va pleuvoir et ce sera noir. Donc, quand tu es célibataire, évite. Évite de manger dans la marmite. Naam. Moi, je pense que j'ai dû éviter ça, c'est sûr. Naam. Il faut éviter, sinon ton mariage, ça va être mouchkila. Au lieu que ça soit le soleil, mashallah, pour les invités, etc. C'est la pluie et la neige. Tout le monde va se cacher. Ou quand tu vois quelqu'un le matin, tu dis je vais passer le... Non, mais là je dis cité. Tu vois une personne, ou bien un chat noir, ou bien tu dis aujourd'hui c'est une très mauvaise journée. El Mouhim, on revient au shirk, tout ça, c'est quoi? C'est la superstition, c'est le shirk. Si tu penses des choses pareilles, ça veut dire que tu as perdu ta place, tu ne fais plus partie des 70 000 qui vont rentrer sans châtiment ni jugement, puisque Allah subhanahu wa ta'ala faire qu'on soit deux. Si quelqu'un dit, oui moi je l'ai fait autrefois et je ne savais pas, on va dire Alhamdoulilah, tu l'as fait quand tu étais jahil, tu étais ignorant et ignorante. Et Allah ta'ala ne châtie pas quelqu'un ou ne lui enlève pas un bienfait à cause de son ignorance. Mais maintenant que tu as appris, attention que tu le fasses. Maintenant que tu as appris, tu as fait le tawba, tu es sur la droiture, alhamdoulilah, tu as tout effacé. Tu as tout effacé ce que tu as fait dans le passé. Est-ce que ta grand-mère et ma grand-mère, Allah yirhamhum, nous ont appris. Et Allah ta'ala, puisse Allah ta'ala leur pardonner. Elle croyait qu'elle faisait du bien, elle t'a appris, mashallah, l'aqida tahawiyya. C'est ça l'aqida tahawiyya de notre grand-mère. Qu'elle te dise, attention, l'œil droit, s'il bouge, ça veut dire tu vas avoir quelque chose de bien, et l'œil gauche, tu vas pleurer. Voilà l'aqida tahawiyya et l'wasitiyya de nos grands-mères. Allah yirhamhum, Allah yirhamhum, Allah yirhamhum. El Mouhim. Et Cheikh dit, et les Arabes étaient connus qu'ils avaient la superstition du mois aussi. Du mois de quoi? Du mois de Shawwal. Il est tazouaj al-insan fi. Il dit, si jamais quelqu'un se marie pendant le mois de Shawwal, son mariage ne va pas réussir. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle leur disait? Elle leur disait, subhanallah, inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tazawwajani fi Shawwal. Subhanallah. Je vous entends dire que celui qui se marie pendant le mois de Shawwal, son mariage ne va pas réussir. Alors apprenez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé pendant le mois de Shawwal. Naam. Et là, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle que c'est très connu chez vous là-bas. Voilà quelque chose que vous ne m'avez pas fait rappeler, qui est très connu chez vous. Quoi? Le 13. Il te dit, attention, le 13, le 13e jour du mois. Attention. Ou le 13 mars, je ne sais pas. Mais c'est très connu le 13. Il te dit, attention, le 13, naam, ça porte malheur. Comme ça, ils disent. Le 13, ça porte malheur. Naam. Vendredi 13, barakallahu fik, naam, vendredi, ça tombe le 13, alors il ne faut pas sortir de la maison. Pourquoi? Il va arriver des malheurs et c'est très grave. Vous voyez le coffre et le djel, qu'est-ce qu'il fait? Le coffre et le djel. Maintenant, c'est le vendredi qui commande. C'est pas Allah Ta'ala qui a écrit des choses sur la tablette préservée. Non, c'est le vendredi qui commande. Si le vendredi tombe le 13, c'est lui qui commande et ça va te faire des mashakil. Al-Mouhim. Maintenant, ça a changé. Ça porte bonheur le 13. Wallahu a'lam. Je sais pas ça. Naam. Sans parler, bien sûr, sans parler des choses, hein. J'ai oublié de vous parler des choses, comme par exemple, je te dis ce talisman, par exemple, il porte bonheur. Bonheur, ce porte-clés, si tu l'achètes, il porte bonheur. Naam. Ou bien le contraire, yani, si tu mets telle ou telle chose, yani, ça porte malheur. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Subhanallah al-Azim. Et maintenant, même ce qu'on a aussi en Algérie, subhanallah al-Azim, ils disent que la femme qui à chaque fois quand elle accouche, son bébé meurt. Naam, son bébé meurt. Qu'est-ce qu'ils lui font ici en Algérie? Naam, ils lui mettent une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. On l'appelle l'ayasha. L'ayasha, ça veut dire en français, celle qui te fait vivre. Naam. Et subhanallah al-adhim, ils vont croire que moi j'ai vu plusieurs personnes avec l'ayasha, avec cette chose de cette boucle d'oreille. Surtout quand tu vois un homme, toi âgé, subhanallah al-adhim, il a 40 ans, 50 ans avec des enfants. Et il a toujours la boucle d'oreille sur son oreille droite. Qui veut dire Allah al-Musta'an, ça, qui veut dire que s'il l'enlève, il va mourir. Naam, comme ça il croit. Et peut-être qu'il mourra. Peut-être que il lui enlève. Ça peut être la tension qui va monter. Il risque de faire une crise cardiaque. Il meurt. Subhanallah al-Adhim. C'en est plein. Voilà. Yesh. Naam. Et voilà la main, ce qu'on appelle la main de Fatma, te dit que celle-là ça des pneus. Naam. Chez nous en Algérie, tu trouves les villas, quand ils commencent à construire les villas, ils mettent des pneus naam, sur la terrasse comme ça. Pourquoi? Il te dit ça pousse le mauvais œil. Et d'autres mettent ce qu'on appelle le cactus. Ils disent ça pousse le mauvais œil aussi. Je disais, même les prénoms, je connais une femme qui à chaque fois Allah Ta'ala lui donnait des enfants, il mourait à bas âge. Ensuite, quand quelqu'un, le dernier qu'elle a eu, on lui a dit, je sais pas qui lui a montré une aqida spéciale, on lui a dit il faut l'appeler par un mauvais prénom, comme ça il va vivre. Donc, je connais une femme qui a appelé son fils. Bon, le mot que je vais dire pour vous, ça va rien dire parce que peut-être vous connaissez pas bien l'arabe. En algérien, ce mot, elle a appelé son fils comme ça. Al-Khamj. Al-Khamj, ça veut dire le pourri. Voilà. Le pourri, on dit. Là, ça veut dire elle est devenue pourri, ou bien la banane. Eh bien, je connais une femme, je change de rencontre. Il s'appelle le pourri, Al-Khamj. Pourquoi? Comme ça, si tu dis Khamed, il est le frapper de mauvais oeil. Miskin, c'est un Khamed, celui-là, c'est un pourri. Donc, il va vivre. Et il est vivant jusqu'à présent. Et je suis sûr, si tu vas lui dire, quelle est ta voilà, je suis sûr que si tu, personne, tu lui dit qu'il m'entendait pas. Maintenant vous, je disais jusqu'à présent ses enfants, lui aussi et des enfants. J'ai pas demandé comment s'appellent ses enfants. Sûrement qu'ils doivent s'appeler le moisi, peut-être le moisi. C'est pas seulement le pourri. Peut-être ses enfants s'appellent le moisi. Donc ça c'est quoi? C'est la superstition. A'oudou billah. Et à la fin il a dit wa ala rabbihim yatawakkalun. C'est-à-dire que ils placent leur totale confiance en Allah Azza wa Jal. Ils placent leur totale confiance en Allah Azza wa Jal. Comme il a dit dans le Coran, Subhanahu Azza wa Jal, il a dit وَمَنْ يَتَوْكَلَ عَلَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit. Et quiconque place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit. Dites-moi si vous êtes, si vous m'écoutez, si vous voyez ce que j'écris. الحمد لله في من رحمه الله الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب contient et comprend les attributs de ceux qui iront au paradis sans quoi, sans châtiment et sans jugement. Il a dit أربع صفات, quatre qualités. Premièrement, لا يستلقون, ils ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. لا يكتوون, ils ne se brûlent pas avec les pointes l'âme de fer. La yatatayyarun, ils ne sont pas superstitieux. Quatrièmement, alal bihim yatawakkalun, c'est-à-dire qu'ils placent leur totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, un sahabi du nom de Ukash ibn Mihsan s'est levé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ya Rasulallah, implore Allah subhanahu wa ta'ala pour que je sois deux. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, regardez, il n'a pas entendu. Dès que le prophète sallam a cité c'est qui les quatre, il s'est levé. Il a dit, Allah sallallahu, implorez Allah que je sois deux. Le prophète a répondu, tu fais partie d'eux. Tu fais partie d'eux. Un terminum. Le cheikh dit, wa li hada, nahnu nashhad al-an bi anna ukasha yadkhulu al-janna bila hisab. Il a dit, c'est pourquoi nous maintenant, nous, on atteste et on témoigne que quoi? Que ce sahabi Ukasha rentrera au paradis sans jugement ni compte, ni châtiment. Naam. Toi, vous qui m'entendez, est-ce que tu témoignes? Tu témoignes que Ukasha, si quelqu'un te demande la question, te pose la question, est-ce que Ukasha va rentrer au paradis sans châtiment? Est-ce que tu as des doutes? Et le prophète Aslam lui a dit, tu fais partie d'eux. Naam. Donc nous, inshallah ta'ala, on n'a pas de doute bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Ensuite, un autre homme s'est levé, un deuxième. Il a dit à Rasulullah, implore Allah ta'ala pour que je sois deux. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ukasha t'a devancé. Ukasha t'a devancé. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naam, pourquoi il a dit à ce deuxième, Ukasha t'a devancé? Les savants ont divergé. Certains ont dit, parce que cette deuxième personne était une hypocrite. Une personne hypocrite. Allah lui a dit, attention, cette personne est hypocrite. Alors il lui a dit, voilà, Ukasha t'a devancé. Ou bien, certains ont dit, c'était quoi? Il y avait une heure d'exaucement de doua. C'était lorsque Ukasha avait posé la question. Et dès que le prophète Hassan lui a répondu, l'heure était terminée. Donc maintenant, quand l'autre, le deuxième, a demandé de demander qu'il soit parmi eux, c'était trop tard. L'heure, l'instant était terminé de l'exaucement des doigts. C'est comme ça, des moments, c'est pas toute la journée. Donc, le deuxième a demandé après, que le moment d'exaucement soit terminé. Et certains ont dit, il lui a dit que Ukasha t'a devancé. Pourquoi? Car si maintenant, il va lui dire, toi aussi, tu fais partie d'eux, donc, c'est fermé. Un troisième dira, ya Rasulallah, faites doua que je sois deux. Il dira, toi tu fais parmi deux. Un quatrième se lèvera, ya Rasulallah, faites doua. Un cinquième se lèvera, un sixième. Et donc là, tous ceux qui sont présents vont poser la même question. Et peut-être même d'autres vont venir l'après-midi, vont lui dire, ya Rasulallah, le matin, certains ont demandé une chose, tu leur as dit, non, tu fais partie du paradis. Subhanallah, c'est pas facile. C'est pas facile qu'ils te disent que c'est pas donné à tout le monde. Tu fais partie de ceux qui vont rentrer au paradis. Non seulement tu vas rentrer au paradis, mais encore sans jugement, sans châtiment. Subhanallah al-Azim. Donc il a dit pour leur fermer la porte, ils vont pas, et pour qu'ils s'arrêtent là-bas. Al-Muhim. Le cheikh dit ici, naam. Regardez quand il a dit à la deuxième personne, il lui a dit, Ukasha t'a devancé. Est devenu une métaphore, un exemple chez les autres. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, puis-je faire telle chose ou là, et que une personne avant toi a demandé la chose, qu'est-ce qu'on te répond? On te dit, Ukasha t'a devancé. C'est devenu un exemple très très connu chez les musulmans. Que tu dises à quelqu'un qui te demande une chose, que tu lui dises, Ukasha t'a devancé, si bien sûr il y a quelqu'un qui l'a devancé. Et c'est aussi, on l'a dit aussi pour montrer à quelqu'un que, le paresseux ne réussit jamais. Naam, celui qui est lent dans le khair, dans le bien, et dans les adorations, et dans ce qui rapproche d'Allah, tu es lent, tu ne réussiras jamais. Il faut toujours être parmi les premiers. Si tu veux, si tu peux, parmi les premiers à sauter sur l'occasion. Regarde la preuve. Le premier, quand il a dit à Rasulallah, implore pour moi, il a eu la réponse. Il lui a dit, naam, tu fais parmi deux. La réponse positive, mashallah. Regarde le deuxième. Juste quelques secondes plus tard, pas réussi. Subhanallah al-Azim. Pour voir, les mérites du premier. C'est toujours les premiers, naam, qui réussissent bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant Ukasha t'a devancé, il aurait pu lui dire, non, tu fais pas parmi deux. car quand tu lui dis Ukasha t'a devancé, ça veut dire que tu fais pas parmi deux. Naam, car si tu faisais parmi deux, il t'aurait dit tu fais parmi deux. Parmi eux, le prophète Islam aime yani annoncer des bonnes nouvelles. Mais là, tu ne fais pas partie d'eux, mais il ne peut pas te dire tu fais pas parmi deux. Pourquoi? Car le prophète alayhi salam n'aimait pas chagriner les gens. Naam, quand tu dis à quelqu'un tu fais pas parmi deux, ya Rasulallah, faites des doigts pour moi pour que je rentre paradis parmi les premiers ou là. Il te dit non, tu peux pas, tu fais pas parmi deux. C'est grave. Non. Mais quand il te dit X t'a devancé, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire bien au contraire, tu vas même te blâmer. Tu vas dire Naam, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Naam, ça m'apprendra comme ça à dormir. Il faut que je me réveille et que je sois toujours parmi les premiers qui demandent le khair. Donc le prophète Ali Soslam, dans sa sunna, Naam, toujours, yani, il n'aimait pas chagriner les gens. Il n'aimait pas chagriner les gens. Mais yani, il cherchait toujours comment essayer yani, de parler avec sagesse et avec hikmah. Et comment yani, te rendre, disons, joyeux au maximum qu'il puisse faire. C'est pour ça que dans un hadith sahih rapporté par le Bukhari, qui s'ouvre aussi dans 4251, que trois personnes, Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, et Zayd ibn Thabit et Ja'far ibn Abi Talib qui est aussi un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont disputés sur une fille, la kafala. Chacun voulait la prendre. Naam, kafala, si vous trouvez le mot en français, dites-le moi, je l'ai oublié. Yani, ils veulent yani, comme on dit, kafala, on ramène par exemple une personne, on l'éduque à la maison, etc. Tayyip. L'adoption. Les trois voulaient yani, adopter, disons, une fille qui était de leur famille, bien sûr. Talib, radiallahu ta'ala. Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, a dit, c'est ma cousine. Et Ja'far a dit, c'est ma cousine, mais en plus de cela, Sa tante, c'est mon épouse. Et Zayd, le troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ma nièce. Imaginez, les trois veulent la même. Qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a donné à sa tante. Donc, en la donnant à sa tante, hein, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas pris. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il l'a donné à sa tante et il a dit, Al-Khalatu bi-manzilat al-Umm. Il a dit, la tante, c'est à la place de la mère. Puisqu'elle n'a pas sa mère, donc c'est sa tante. Ensuite, il s'est tourné vers Ali. Donc les trois, ils ne l'ont pas eu. Hein. Il s'est tourné vers Ali. Il lui a dit, Anta minni wa ana minka. Toi, Ali, tu fais partie de moi. Et je fais partie de toi, bien sûr. Son cousin et son gendre. Ensuite, il s'est retourné vers Ja'far. Il lui a dit, Ashbahta khalqi wa khuluqi. Tu me ressembles. Dans le physique et dans le caractère. Subhanallah, pour leur faire plaisir. Ensuite, se tourne vers le troisième Zayd et lui dit, Anta akhuna wa maulana. Toi, tu es notre frère et notre maître. Rapporté par Bukhari, 4251. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il fait, hein, en leur enlevant la fille. Et il ne la donne pas aux trois, c'est sûr qu'ils vont se chagriner. Regardez la hikmah, comment il se tourne vers le premier. Il lui dit, toi, tu fais partie des miens. Et je fais partie de toi, moi aussi. Et deuxième, il lui dit, tu me ressembles, mashallah, physiquement et dans le caractère. Subhanallah. Troisième, il lui dit, tu es notre frère et notre maître. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le meilleur comportement, qui ne voulait jamais chagriner quelqu'un. C'est pour cela qu'il n'a pas dit au deuxième. Il lui a pas dit, tu fais pas partie. Naam. Il veut les valoriser, leur montrer qu'ils ont une valeur. Naam, toujours il te cherche, il essaie de te trouver une réponse adéquate qui te contenterait, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça qu'une fois, aussi dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari aussi, dans le 6167, d'après Anas radiallahu ta'ala anhu, que quelqu'un est venu de la campagne. Quand il est venu de la campagne, pour poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba, quand ils voyaient quelqu'un venir de la campagne pour poser des questions, il mourait de joie. Pourquoi? Car il n'osait pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. tellement il le respectait, ils disent, moi je ne peux pas lui poser des questions. Non, tellement il le respecte. Alors quand il voyait venir un compagnon, il savait que le compagnon, il parle. Naam, il dit ce qu'il a dans le cœur. De loin, il dit, ah, Rasulallah, salam alaykoum, Rasulallah, il commence à dire des choses. Donc on a vu quelqu'un venir de la campagne, yani, on est devenu vraiment joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il va poser, ils veulent entendre la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, ya Rasulallah, met as-sa'a qa'ima, c'est quand la fin du monde? C'est quand la fin du monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, wailak, mada a'adta lak, qu'est-ce que tu lui as préparé? Qu'est-ce que tu lui as préparé? Regardez, pour quelqu'un te dit, c'est quand la fin du monde? Tu lui dis, je sais pas. Et il va revenir chez lui, chagriné. Comment? J'ai fait tout ce trajet pour aller au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé par Allah ta'ala pour nous apprendre la religion, et je lui ai demandé, c'est quand la fin du monde? Il ne sait pas. Ah non, il te dit, moi j'accepte. Comme ça peut-être pensent les gens ou bien un compagnon. Il va revenir chez lui, il va dire, subhanallah, je m'attendais pas à ça. Le prophète, il ne sait pas, c'est quand la fin du monde? Alors le prophète, s'il va lui dire, je ne sais pas, l'autre, il va, yani, peut-être même l'accuser. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as préparé? Regardez comment il lui jugeait. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as préparé? L'autre, il lui a dit, pas grand-chose, sauf que j'aime Allah et son prophète. Alors il lui répond, tu es avec ceux que tu aimes. Tu es avec ceux que tu aimes. Alors les sahabas ont profité, ont dit, et nous aussi on est avec ceux qu'on aime, ou bien seulement ce sahabi. Il lui a dit, vous aussi, na'am. Ils ont dit, fafarihna yawmaydin. Farahan shadid. Alors ce jour-là, vraiment on a été content. Et on a été content, vraiment, vraiment. Pourquoi? Grande nouvelle. Tu es avec ceux que tu aimes. Même si tu peux pas faire ce qu'ils font, mais tu es avec ceux que tu aimes. Là-bas, tu seras avec eux. Tu aimes les tabi'in, tu seras avec eux. Tu aimes les savants, tu seras avec eux. Tu aimes les chanteurs, tu es avec eux. Naam. Tu aimes les footballeurs, tu seras avec eux. Tu aimes les danseurs et les danseuses, tu seras avec eux. Tu aimes ceux qui se droguent, tu seras avec eux. Subhanallah al-Azim. Donc il faut bien choisir qui tu aimes. Il faut bien faire attention, il faut pas aimer n'importe qui, car tu seras avec eux yawm al-qiyamah. Ensuite le hadith dit, c'est pas terminé. Il a dit, alors que les sahaba disent, on fait une grande joie. Ensuite, alors que nous étions ainsi, voilà qu'un enfant est venu, un petit enfant de Mughira ibn Shu'ba. Il a dit, quand le prophète alayhi salam a vu l'enfant, donc il n'a pas encore répondu à celui qui a dit c'est quand la fin du monde. Il lui a juste dévié la question, lui a dit, qu'est-ce que tu lui as préparé? Il lui a répondu que tu es avec ceux que tu aimes. Al-Muhim, quand il a vu un enfant passer, Naam, qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit, celui-là, cet enfant, si jamais Allah Azza wa Jalla lui rallonge dans sa vie, Naam, il n'atteindra pas, il n'aura pas les cheveux blancs, c'est-à-dire il ne vieillira pas, jusqu'à ce que la fin du monde aura lieu. Rapporté par Bukhari, 6167. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet enfant, il ne vieillira pas, Naam, il ne sera pas vieux, qu'aura déjà lieu la fin du monde. La fin du monde. Certains vont dire, comment subhanallah, c'est sûr qu'il est devenu vieux s'il a beaucoup vécu, 50 ans après ou 100 ans. Et comment qu'a dit Ali, fin du monde? Réponse, dans un autre hadith, il a dit, chaque personne qui meurt, c'est sa fin du monde. Donc la fin du monde se divise en deux. La fin du monde, la grande, quand tout finira, tout l'univers avec toutes ces créatures partiront, la grande fin du monde. Et la petite fin du monde, c'est quoi? Chacun a sa propre fin du monde. Moi, quand je meurs, c'est ma fin du monde. Et c'est vrai, c'est ma fin du monde. Mon monde s'est terminé. Je suis dans l'au-delà, je suis dans la tombe, dans la barrière avec les anges. Et tu vois le paradis, tu vois l'enfer. Ensuite, il y a l'au-delà qui t'attend. Chaque personne qui meurt, c'est sa fin du monde. Si le prophète Aslam, regarde, il lui a trouvé une réponse. Il lui a dit, Ya Rasulallah, c'est quand la fin du monde? A dit, quand cette personne mourra, c'est sa fin du monde. Ça veut dire chaque personne qui mourra, c'est sa fin du monde. Et l'autre, bien sûr, le sahabi, il a été joyeux, il a dit alhamdoulillah, le compagnon, donc il m'a répondu que la fin du monde, c'est quand la personne meurt, alhamdoulillah. Al-Muhim. On revient maintenant au hadith. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah, il a dit ce hadith. Maintenant, je ne parle plus en arabe. J'ai essayé de lire directement en français, même si c'est écrit en arabe, mais je traduis simultanément en français. Pourquoi? Parce qu'on a pris beaucoup de temps et ça ne va pas nous suffire. Donc, le Cheikh, rahimahullah, dit, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce hadith a fait certains problèmes à certains. Certains problèmes, il a dit, comme la personne, il a dit, comme une personne, par exemple, qui a été touchée par le mauvais œil, ou bien une personne a été touchée par le sihr, ou bien une personne qui est touchée par un djinn possédé. Elle dit, est-ce que cette personne, si elle va demander ruqya, elle va demander à une autre personne, ou elle va lui dire, viens me faire ruqya et lire sur moi. Naam. Est-ce que donc elle a perdu sa place parmi les 70 000 qui vont rentrer au paradis? Cheikh dit, certains savants ont dit oui, elle a perdu sa place. Donc, si elle ne veut pas perdre sa place, qu'elle fasse pas ruqya, mais qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir. Et de lui chercher, yani le remède. Et certains et d'autres ont dit, naam, ils ont bel idahada fimun, il a dit, ce hadith, c'est-à-dire que tu vas perdre ta place des 70 000 si tu fais ruqya avant de tomber malade. C'est-à-dire, tu n'es malade de rien. Non, tu n'as ni mauvais œil, ni djinn, ni sihr. Et tu dis aux gens, venez me faire ruqya. Il a dit, si tu fais comme ça, tu as perdu ta place parmi les 70 000. Et non pas, si tu es possédé et que tu demandes ruqya. Il a dit, dans ce cas, tu ne fais pas partie de ceux, yani, tu ne sors pas des 70 000. Pourquoi? Car tu as fait ça dans le besoin. Dans le besoin. Il a dit la même chose pour celui qui se brûle. Non, celui qui a une plaie, par exemple, il va chez quelqu'un, il le brûle, soit avec un morceau de bois, soit avec le fer, soit. Il a dit ça aussi, si tu le fais comme le faisaient les Arabes, le Jahiliya, il n'a ni plaie ni rien, il va se brûler. Dans ce cas, tu as perdu ta place parmi les 70 000. Mais si jamais tu as une plaie et le pus ne cesse de couler, tu as pris des antibiotiques, tout ça, ça n'a rien donné. Il a dit, c'est permis dans ce cas d'aller quoi? D'aller chez quelqu'un pour te brûler. Comme c'est permis pour la ruqya, c'est permis aussi pour te brûler. Il a dit la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a brûlé quelqu'un, la cautérisation, voilà. Le prophète alayhi salam a fait la cautérisation à Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu quand il a été blessé dans son bras et le sang n'a pas voulu s'arrêter de couler. Il a été chez le prophète alayhi salam et il lui a fait la cautérisation, l'a brûlé, peut-être, je dis peut-être, avec un morceau de fer. Non, si c'est pas du fer, c'est un morceau de bois chaud, ou bien un caillou chaud, ou bien un muhim, il y a eu la cautérisation et il l'a brûlé, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le sang s'est arrêté de couler. Ensuite, n'oubliez pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Bukhari 5681, il a dit, la guérison se trouve dans trois choses. Al-shifa ou fi thalatha. Dans quoi? Fi shartati mihjam. Dans l'incision avec ventouse, l'hijama, qu'on appelle l'hijama, l'incision avec ventouse pour évacuer le sang. Subhanallah al-Azim. Quand les frères et les sœurs ont commencé à faire la hijama, les médecins, etc., ont ri. Il y a maintenant 10 ou 20 ans, là, ils ont ri. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Maintenant, les Américains et les grands médecins reconnaissent que la hijama joue un très grand rôle. Maintenant, la plupart des médecins ici en Algérie, ils font la hijama. Subhanallah al-Azim. Bien sûr, avec de l'argent, ils font la hijama. Le sang, subhanallah al-Azim. Nous, avec quoi on vit s'il n'y avait pas de sang dans notre corps? En faisant la hijama, tu permets à quoi? Tu permets au sang de se renouveler de nouveau. Il redevient neuf, mashallah. Et le mauvais sang sort. sort le sang noir, coagulé. Il sort et tu le jettes. Et c'est le nouveau sang qui redémarre. Subhanallah. C'est un peu comme la femme et c'est son cycle menstruel. Naam. C'est une ni'ma après ce cycle. C'est un nouveau sang qui redémarre. Subhanallah. Si ce sang restait dans son ventre ou dans son corps, elle mourrait. C'est pas le temps vraiment, mais elle mourrait. Mais une ni'ma d'Allah, que Allah Ta'ala lui fait jeter ce sang. Donc trois choses. La guérison se trouve dans trois choses. La hijama, les brûlures par le feu. Avant cela, afin la deuxième, la boisson de miel. Hein, la boisson de miel, boire du miel, du miel en le mettant dans l'eau par exemple et en le mélangeant, on le boit ou avec autre chose. Et troisième chose, et les brûlures par le feu. Donc, il t'a interdit en haut la brûlure, il a dit si tu te brûles, tu fais pas parmi les 70 000, et ici il te dit que la guérison se trouve dans la brûlure par le feu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est permis, mais dans le besoin. Mais dans le besoin. C'est pour ça qu'il a dit à la fin de ce hadith, et j'interdis à ma umma, à ma nation, les brûlures. J'interdis, ça veut dire quoi? Dans le sens de je déconseille. Sinon, lui, alayhi salatu wa sallam, il a brûlé quelqu'un. Et lui-même, il t'a dit que la guérison se trouve dans la brûlure, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et enfin, pour terminer, je vous lis très vite quelques fatwas de Cheikh Ben Baz et Cheikh Ben Outhaym, rahimahullah, sur la ruqya, Cheikh Ben Baz dit, rahimahullah, dans fatwa Nour al-Darb. Tome 3, page 308. Il a dit la ruqya illa min ayn, ou comme le hadith qui dit, il n'y a pas de ruqya sauf d'un mauvais œil ou bien du venin. Le venin de d'un serpent ou de comment il s'appelle celui qui a la queue derrière lui, quand toujours je l'oublie. C'est pas le crabe. Comment il s'appelle celui qui a le truc derrière lui et qui pique? Le scorpion, barakallahu fik. Naam. Il a dit, il n'y a pas de ruqya que si c'est pour le mauvais œil ou bien quoi? Ou bien le venin d'un scorpion ou d'un serpent. Il a dit, Cheikh Ben Baz dit. Il dit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de ruqya sauf pour ces deux. Sauf pour mauvais œil et venin. Non. Il a dit, ça veut dire, la ruqya la plus complète, c'est pour ces deux-là. Il a dit, sinon, c'est permis. Il a dit, pour par exemple, l'ayn, mauvais œil, naam. Il a dit, le sihr aussi. Il a dit, idha dhannat al-mar'a, comme par exemple, dhannat al-mar'a, par exemple, la femme qui pense ou là, qui croit qu'elle est mishoura. Il a dit, on l'a ensorcelé. Ou rajul, zakara ayn, ou bien un homme, par exemple, il se rappelle d'une personne. Il dit, cette personne par exemple m'a frappé d'un mauvais œil, ou bien une femme dit cette personne m'a frappé d'un mauvais œil. Il a dit falyasta'in bima shara Allah min du'a, alors qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des du'as, en demandant l'afia, la préservation. Wa la mani', écoutez ce que dit Cheikh Ben Baz, wa la mani', et ce n'est pas interdit, an yasta'ina bi ba'd ahli al-'ilm, qu'il demande aide à certains qui ont de la science, al-ma'rufin bil khair, connus par leur bien, fil qira'a alayh, pour qu'ils lisent sur lui. Donc que dit Cheikh Ben Baz, la mania, ce n'est pas interdit que la personne, naam, après avoir fait des doua, etc., qu'elle cède en demandant à des gens de science, ou bien connus par le bien, en leur demandant qu'ils te fassent ruqya. Il a dit qu'ils lisent sur toi, ou nefs, et qu'ils crachent sur toi. Et ça rentre dans les sababs de la guérison bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, Cheikh Ben Baz, dans Nour al-Darb, tome 1, page 68, il a dit, Amma al-istirqa fa huwa talb ruqya. Il a dit, le fait de demander la ruqya, c'est qu'ils disent, Ya fulan, iqra aliya, oh, un tel, lis sur moi, ça veut dire, fais-moi la ruqya. Il a dit, tarku hada afdal, délaisser cela est mieux, illa min haja, sauf dans un besoin. Il a dit ça passe, idha kana hunaka haja, s'il y a un besoin, fala ba's an yatlub ar-ruqya, c'est permis de demander la ruqya. Par exemple, c'est quoi le besoin? Par exemple, quelqu'un qui est possédé, qui tombe, qui s'évanouit. Est-ce que celui-là, il sait qu'il a un djinn qui parle avec lui du matin au soir? Est-ce que toi, tu peux faire sortir le djinn tout seul? Tu lui as dit, sors, sors, je t'ordonne de sortir, sors. Est-ce qu'il va dire, d'accord, je vais sortir, excusez-moi. D'accord, d'accord, je ne vais plus revenir. Je vais aller au supermarché, d'accord. Il va sortir? Il ne va pas sortir. Il a dit, dans ce cas, yani, c'est permis de faire appel à quelqu'un. Naam, connu, connu dans la ruqya, dans yani, le ilm. Naam. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Aïcha, qui lui a dit, il lui a dit, fais la ruqya, demande la ruqya pour telle et telle chose. Il a dit, il a aussi ordonné à Esma, Esma bint Umays, qu'elle demande la ruqya pour les enfants de Ja'far, lorsqu'ils ont été, touchés par un mauvais œil. Toujours Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, tome 1, page 75, il a dit, demandez la ruqya aux gens, demandez aux gens de te faire la ruqya, le mieux c'est de le délaisser. Mais, in da'at al-haja, mais maintenant, si la personne est dans le besoin, il a dit, même les brûlures, naam, comme les brûlures, il a dit, c'est permis. Que tu dises, ya foulan, oh enten, iqra aliyya jazakallahu khayran, oh enten, viens me faire une ruqya, que Allah Ta'ala te donne le khayr. Ou yidhab ila al-raqi, ou bien qu'il parte lui-même chez le raqi, yalqi alayh la ba's, pour qu'il lise sur lui, la ba's, il a dit, pas de problème. Ou yikwi, ou bien qu'il se fasse brûler dans le besoin, il a dhanna anna al-kaymufid, si jamais, d'après lui, que les brûlures s'apportent, yani, des résultats. Il a dit, fa la ba's, jaiz. On termine, wa qala Sheikh Ibn Uthaymin, fi al-qawl al-mufid, sharh kitab tawhid, tome 1, page 99. ويستعمل للعين طريقة أخرى غير رقية. Il a dit à part la ruqya pour le mauvais œil, il y a aussi autre chose. C'est quoi? Il a dit istirsal, que tu demandes, yani, au عين, à la personne qui t'a frappé d'un mauvais œil, tu lui demandes qu'elle fasse le wudu. Ensuite, que tu prennes l'eau qui est tombée à droite à gauche d'elle, qui est tombée quand elle s'est lavée, n'am, et il a dit tu le jettes sur toi. Toi qui as été frappé par un mauvais œil. وَيْشْرَبْ مِنُوْ, et que tu en boives un peu. Il a dit وَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ, et بِإِذْنِ اللَّهِ il guérira. وَهُنَكَ طَلِقَ أُخْرَى, il a dit il y a même un autre remède ou une autre solution. وَلَا مَنِعَ, et ce n'est pas interdit aussi. Cette deuxième chose qu'il va citer. Il a dit وَهِيَ أَنْ يُؤْخَدَ شِيْءٌ مِنْ شَعَارِهِ, que tu prennes une chose, nam, une chose qui est vraiment proche du corps de la personne qui t'a frappé d'un mauvais œil, vraiment proche de son corps. Il a dit mais yeli jismu min thiyab, comme le tricot de peau. Le tricot de peau, il est très proche du corps de la personne. Pourquoi? Tu as besoin de la sueur de cette personne. Pour trouver sa sueur, il faut que ça soit un tricot de peau, ou alors une chemise, s'il porte la chemise direct sur par exemple Wesmo, sur sa poitrine. Il a dit au taqiya, ou bien sa chéchia, ou seruel, ou bien son pantalon, c'est très proche de son corps, ça. Ou aghiria, il a dit, oh, même turab, ida mashari wartab, il a dit, même la terre, si cette personne, yani, vient de marcher sur cette terre-là, naam, il a dit, et que cette terre est molle, à condition que cette terre soit molle, hein. Il a dit, il prend de cela, naam, ou bien de son tricot, ou bien sa chéchia, etc., et il jette de l'eau sur cette chose. Par exemple, il a pris son tricot de peau, il jette de l'eau, par exemple il va prendre une casserole et il va mettre son tricot de peau dans l'eau de la casserole, hein, et ensuite il le jette sur la personne qui a été frappée. Il verse l'eau sur la personne qui a été frappée par le mauvais œil, ou bien il boit cette eau. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, et c'est expérimenté. On l'a fait par expérience et ça a donné le remède. Qui dit ça? Cheikh Ibn Uthaymin. Naam. C'est pour ça que quand tu es sûr qu'une personne t'a frappé de mauvais oeil, des fois c'est connu dans certaines familles que X est connu pour avoir un mauvais oeil. On ne peut pas le cacher, c'est connu. Même des fois, même la personne elle-même, des fois, elle reconnaît. Si elle est pieuse, elle dit oui, ou là, c'est vrai, moi j'ai un mauvais œil, j'aime pas que les gens ont le bien, etc. Dès que je vois une personne qui a un bien ou bien, pour se serrer, je sens j'ai envie de pleurer, etc. Mais c'est dit cela le moyen. Alors qu'est-ce qu'il faut? Tu lui dis, fais le wudu et donne-moi l'eau. Mais c'est difficile de dire comme ça à une personne. Tu peux l'accuser, elle te dit quoi? Tu m'accuses? Moi je fais un mauvais œil. Hein? Tu n'as pas honte, tu me dis ça. Donc, il faut essayer comment lui prendre quelque chose qui soit vraiment proche de son corps, mais à condition de la lui rendre après avoir yani, l'avoir mise dans l'eau et s'être jeté l'eau sur soi, mais tu lui rends cette chose. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Inshallah ta'ala, on va faire de sorte que on va. On va se baser beaucoup aujourd'hui, inshallah ta'ala, sur les questions qui auront en rapport avec le cours, inshallah ta'ala, d'abord. Car c'est sûr que beaucoup de gens ont des questions, Allah ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre dans 10 minutes, un quart d'heure, inshallah ta'ala, juste le temps de manger quelque chose. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. عما يتساءلون. Sur quoi s'interroge-t-il? عن النبأ العظيم. Sur la grande nouvelle. الذي هم فيه مختلفون. À propos de laquelle ils divergent. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois non, ils sauront bientôt. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets et nous vous avons créé en couple. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Et désignez votre sommeil pour votre repos, et faites de la nuit un vêtement, et du jour le moment dédié aux affaires de la vie. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Et construit au-dessus de vous cette renforcée. Et

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, inshallah. Alhamdulillah. Donc la première question. Hayakumullah, cher. Concernant le hadith des 70 000 personnes, si je conseille à quelqu'un de faire la ruqiyya, est-ce que je rentre dans le cas de ceux qui ne seront pas avec les 70 000 personnes? Et le chiffre 70 000 personnes, est-ce vraiment 70 000? Ou veut-il dire beaucoup? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfaddal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Je vais essayer inchallah ta'ala d'être bref. Car on me dit que je rabâche beaucoup. Tayyib. Quand quelqu'un est malade, on lui conseille Allah subhanahu wa ta'ala, naam, et de patienter. Ensuite, quand on voit s'il est dans le besoin, c'est permis alors de l'orienter vers la ruqya. Car la ruqya se fait quand la personne est dans le besoin. Donc si tu vois quelqu'un qui a essayé 1000 médicaments et ça n'a rien donné, naam, tu lui dis, il y a quelqu'un qui connaît bien Tawakkal Allah. Quant au hadith 70 000, j'ai dit qu'il y avait un autre hadith qui disait que chaque personne des 70 000 naam, faisait rentrer avec elle aussi 70 000 autres. 70 000 autres. Ce qui donne, quand on compte, 4 milliards et 900 millions et quelques. Donc, voilà le fadl. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi cher. Selon le verset suivant, Allah dit dans le sens rapproché qu'il avait révélé la Torah comme guide et lumière, et que c'est sur cette base que les prophètes soumis à Allah devaient juger parmi les juifs. Ma question est la suivante. J'avais cru comprendre que le prophète était envoyé à une nation qui était déjà sous la législation d'un messager. J'aimerais savoir, cher, si ma compréhension est juste. Quel est le jugement de ces gens qui n'ont pas suivi ces prophètes, qui viendront seuls Yawm al-Qiyamah, si ces gens croyaient et jugeaient selon la même législation que le prophète, mais ne l'ont pas suivi, cela fait-il d'eux des kuffars? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allahu a'lam. Tfadda cheikh. J'ai pas compris la question. D'un moumkin tu aide. Donc je répète, Inch'Allah. Allah dit dans le sens rapproché qu'il avait révélé la Torah comme guide et lumière, et que c'est sur cette base que les prophètes soumis à Allah devaient juger parmi les juifs. Ma question est la suivante. J'avais cru comprendre que le prophète était envoyé à une nation qui était déjà sous la législation des messagers. J'aimerais savoir, cher, si ma compréhension est juste. Quel est le jugement de ces gens qui n'ont pas suivi ces prophètes, qui viendront seuls Yawm al-Qiyamah, si ces gens croyaient et jugeaient selon la même législation que le prophète, mais ne l'ont pas suivi? Cela fait-il d'eux des kuffars? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allahu a'lam. Tafadda cheikh. Naam, c'est exactement comme il a dit, que le messager venait toujours avec un nouveau message et que le prenait pour suivre, yani, naam, et renouveler le message qui était avant lui, du messager qui était avant lui. Donc le prophète, quand il vient avec une sharia mais qui ne vient pas de lui, qu'il a hérité de, si on peut dire le mot hérité, de celui qui l'a précédé. Donc les gens auxquels il fait da'wah doivent le suivre. Non, il a quelque chose qu'il transfère. Allah se transmet du messager qui l'a précédé. Donc celui qui ne le suit pas, c'est un kafir. Celui qui ne suit pas le prophète, naam, c'est un kafir, car le prophète lui-même suit un message. Inch'Allah ta'ala, la réponse, c'est comme tu as compris, bi'idhnillah ta'ala, tfadl. Question suivante. Voici ma question sur le cours par rapport à la ruqya. Ahsanallahu ilaykum. Cher, pouvez-vous une fois de l'écho m'expliquer comment pouvons-nous faire ruqya soi-même? J'ai déjà essayé de la faire moi-même avec une bouteille d'eau en poustillonnant dedans après avoir récité, puis en boire, mais je ne sais pas si c'est shara'i. Car en faisant des recherches, je suis tombé sur une fatwa de Cheikh Rabi, Hafizallah, qui disait que cela ne se faisait pas. Pouvez-vous m'éclairer, Inch'Allah? Wa jazakumullahu khairan. Tfadal, Cheikh. Non, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Tayyib. Une seconde. La ruqya, ça vient du mot yirqi, yirqi, raqya, yirqi. Raqya, yirqi, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire. Lire les adayas ou bien lire le Coran, c'est ça la ruqya. Maintenant, naam, quand on prend le Coran et qu'on commence à lire, dans le sens de je me fais une ruqya, ou bien dans le sens que je fasse des doigts en levant mes mains, ou bien en mettant ma main sur mon ventre, naam, ou sur ma tête. Tout ça, maintenant, reste quand je crache, elle a employé le verbe, je n'ai pas bien compris, poustiller ou là, qu'est-ce qu'elle a dit. Al-Muhim, quand je crache dans quelque chose comme une eau, ou bien de l'huile, ou là, et que je bois, ou je m'enlève. Divergence entre les savants. La divergence revient d'abord yani, sur quelle base? Pourquoi il y a une divergence? La divergence, c'est est-ce que la ruqya tawfiqiyya ou tawqifiyya? C'est ça la base de la question. Tout le problème réside dans cette question. Est-ce que ruqya, naam, est-ce qu'elle est tawqifiyya avec qaf, tawqifiyya, ou bien est-ce qu'elle est tawfiqiyya? Une seconde que j'écrive ces deux mots. Voilà, regardez ces deux mots. Le premier, Théo, il y a le Théo, ensuite il y a le Qaf au lieu du Fa. Donc la première, il y a, la deuxième, c'est Théo Kifia. Si tu dis, c'est Théo Kifia et Théo Fikia. Non, Ibn al-Qayyim, chauffe. Pour ne pas faire d'amalgame, tu n'as pas traduit ce qui est en arabe. Chauffe, t'as en arabe. Tu as commencé. Quand tu as traduit, tu as commencé par le contraire. Tu as dit tawqifiyya. Chauffe, on va le khata. Maalish. Donc, corrige. En arabe, commence par. Maalish. Commence en arabe par tawqifiyya. Commence en arabe tawqifiyya, ensuite tawfiqiyya. Comme ça, on va voir. C'est comme en français. Ya. Tawfiqiyya, tawfiqiyya, tawfiqiyya. Voilà. Tawfiqiyya, si tu dis tawfiqiyya, non, c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Chose, non. Écris tawfiqiyya d'abord, ensuite tawfiqiyya. Écris dans la même phrase. Tawfiqiyya, tawfiqiyya, tawfiqiyya. Écris ça. Non, commence en arabe. Voilà, en arabe. Tawqifiyya, ensuite tawfiqiyya. Tu as écrit le contraire, Ibn al-Qayyim. Il faut commencer par Tawqifiyya en arabe. Bon, une seconde. Une seconde. Tawqifiyya. Maintenant écris en français et ne haoul de ne pas te tromper. Commence par Tawqifiyya. Tawqifiyya, ensuite Tawfiqiyya. Pour que ça soit comme en arabe. On commence par Tawqifiyya, ensuite Tawfiqiyya. Là, on a dit que. Voilà, barakallahu fik. Tawqifiyya, Tawfiqiyya. Si tu dis que la ruqya est Tawfiqiyya, Tawqifiyya afoun, si tu dis Tawqifiyya, ça veut dire que il faut se baser sur des textes. Je ne peux rien faire s'il n'y a pas un texte. Et si tu dis les Tawfiqiyya, ça veut dire que elle dépend de l'expérience. Nam, elle dépend de l'expérience, c'est tout. Et si on va voir, si on va bien voir dans les deux, vous allez voir que les savants qui disent qu'elle est Tawqifiyya, ils te disent moi, donne-moi un texte. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, par exemple, quand tu fais la ruqya, il te dit tu n'as pas le droit de parler avec le djinn. Enfin, c'est seulement tu essaies de le faire sortir, c'est tout. Pourquoi? Il te dit il n'y a pas que le prophète Aslam a discuté avec un djinn. Maximum, il a dit sors Adoullah, je suis Rasulullah, c'est tout. Mais il n'a pas discuté d'où tu es, d'où tu viens, où vas-tu, comment tu t'appelles, etc. Ceux-là, ceux qui disent la ruqya, et Tawqifiyya, elle se base sur les textes. D'où Cheikh Rabi Rahmallah dit qu'il n'y a pas dans les textes qu'on crache sur quelque chose et on boit. Ni dans les textes qu'on crache sur l'eau et on se lave. Et ceux qui ont dit non, elle est Tawfiqiyya, elle dépend seulement de l'expérience. Ils ont dit, on a le hadith du Prophète authentique qui a dit, exposez-moi vos ruqya, exposez vos ruqya que je vous entende comment vous faites. Il a dit, tout ce qu'il ne comprend pas, il a dit, toute ruqya est bonne si elle ne comprend pas du shirk. Donc il a laissé une base générale. Il a dit, toute ruqya, yani la base, est valable. Tant que quoi? Tant qu'il n'y a pas du shirk, c'est tout. Est-ce que moi, quand je prends un peu d'eau et je crache dessus en disant Alhamdulillah, ou bien Qul Huwallah, ou bien A'udhu bi Kursi, est-ce que j'ai fait du shirk? J'ai pas fait de shirk. Non. Donc, ça c'est le deuxième avis qui dit que. Tant qu'il n'y a pas de shirk, comme a dit le prophète, moi je fais la ruqya. Je dis ici, très vite, Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi sont de l'avis qu'on ne crache pas sur l'eau pour boire ni se laver. Et le deuxième avis, qui est l'avis de certains compagnons et beaucoup de salaf, entre autres notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala, les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Naam, Shafi'i, Ahmed, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, et parmi les contemporains, Ibn Baz, rahimahullah, Ibn Uthaymin, rahimahullah, Fawzan, hafidahullah, Al-Rajihi, hafidahullah, rahimahullah, Muhammad Ibn Ibrahim, rahimahullah, Salah Al-Sheikh, Abdul Muhsin Al-Abbad, et aussi le comité permanent d'Arabie Saoudite, que c'est permis de cracher dans l'eau ou bien de l'huile, etc. Et d'en boire et de se laver et de se masser, etc. La base virale. Ensuite, VPS. Il y a deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques qui vont dans ce sens. Le premier, il a dit exposez-moi vos ruqya. Il n'y a pas de mal en cela tant que ça ne contient pas de shirk. Et lire du Coran dans de l'eau ne contient aucun shirk. Deuxième, lui aussi, alayhi wa sallam, une fois, après une morsure, il a mis son doigt dans la terre et il a lu sur son doigt. Donc si on peut lire sur la terre, pourquoi pas on peut pas lire sur de l'eau aussi. Et le prophète alayhi salam a dit quiconque peut être utile à son frère qu'il le soit. Naam. Et ensuite j'ai les fatwas ici devant moi des savants que j'ai cités qui ont permis yani de lire sur l'eau inshallah ta'ala. Voilà inshallah pour la réponse. Tafadhal. Question suivante, question d'un frère. Je voudrais connaître quelle est la meilleure façon de soigner une personne qui prétend être mariée à une djinnia depuis quelques années, et lorsque cette personne a repris la salat et d'autres actes d'adoration, la jinniya est très mécontente. Alors, que lui conseillez-vous, Barakallahu fikoum Abu Abdillah, ainsi que les admins? Tfadal, cher. Il n'y a pas d'autre choix que de chasser. C'est la première. Que la personne possédée elle-même se désavoue. Car si le démon sent de toi, tu lui montres que tu le... Donc, tu es ravi de ce qu'il fait, il va... Même toi, quand tu lis pour le faire sortir, il te dit... C'est elle, c'est-à-dire la personne, c'est elle qui me veut, c'est elle qui ne veut pas que je sorte, c'est elle qui ne me laisse pas sortir, et comme ça. Donc la première des choses, c'est que le possédé doit se désavouer de celui qui l'a possédé. Et la deuxième chose, c'est de tomber sur un raqi qui est mashallah pour faire sortir yani, le djinn. Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, disait que parfois, je frappais la personne malade, possédée, je la frappais jusqu'à 400 coups avec yani, ses chaussures. 400 coups, hein. C'est pas un 2, c'est pas 3, c'est pas 10 coups. Des fois, quand le djinn qui. C'est un juif, ou je ne sais pas quoi, c'est un sioniste. Non, il dit. Sors pas. Insulte l'islam et le prophète. Celui-là, vraiment, yani la personne qui n'aime, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Je ne conseille à personne qui ne connaît pas la ruqya yani d'aller à l'atelier et de commencer à frapper yani une personne qui lui dit je suis possédé. Attention, je ne veux pas dans le sens où le djinn te possède toi, non. Mais dans le sens où tu peux tuer la personne et tu crois que tu es en train de frapper le djinn, alors que tu frappes peut-être la personne elle-même. Tu risques de yani, la tuer. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyat, tfadl. Question suivante, question d'une sœur. Hafizakum Allah, cher, vous ainsi que toutes les personnes qui participent au salon. Alors, cher, je vois souvent des sœurs qui procèdent à quelque chose assez répandu. J'ignore si l'on peut qualifier cela comme étant de la superstition. Récemment, une sœur m'a informé qu'elle et ses amis vont passer un examen. Donc, elles ont décidé, pour cette occasion, de lire, exemple, 100 fois Surat Yassin, 100 fois Surat Al-Fath et 1000 salawat à l'Annabi. Ainsi, pour faciliter la lecture, elle se distribue la lecture. Elle m'a donc demandé si je peux aussi lire parmi ceux-ci pour compléter les nombres indiqués. Est-il légiféré dans la sunna de procéder à une chose de la sorte chère? Ces sœurs pensent réussir leurs examens sûrement en récitant cela. Pour être plus précise, de lire le Qur'an el-Karim pour une cause précise ici des examens. Certaines personnes se distribuent aussi la lecture du Coran en jouz ou lisent telle ou telle surat lors d'un décès. Tout cela est-il légiféré afin pour la longueur et qu'Allah vous récompense de la meilleure façon, cher? Tfadal, cher. Tout ce qu'a cité la sœur ici n'est pas légiféré et rentre dans la bida. Et le prophète alayhi salam a dit kullu bid'atin dalala. Chaque bid'a est un égarement. Wa kullu dalalatin fin nar. Et chaque égarement est dans le feu. Dans le feu, ça veut dire n'am, celui qui le fait, bien sûr. N'am. Ces sœurs-là sont des ignorantes. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala yani leur ouvrir la quête de la science. Et j'ai peur pour elles qu'elles soient plus ou moins influencé minhaj soufi. Peut-être que elles entendent le prêche de quelqu'un soufi, elles sont en train d'aimer sa façon de faire les cours, etc. Et elles ont été influencées. Sinon, ce qu'elles ont fait, même que ce soit dans, comme elle a dit, après la mort de quelqu'un, ou bien pour aller passer le bac, ou bien, tout cela, prendre le Coran et lire telle surat 10 fois, 100 fois, ou bien les prières sur le prophète, tout cela, ça rentre dans la bid'a. Ce qui est légiféré, c'est quoi? C'est de lever les mains et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite. Naam, ou alors de prier 2 rak'at et dans le sujoud, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la réussite. C'est le minhaj des salaf salih et des prophètes alayhim salat salam. Comme j'ai dit, autre chose qu'elle a cité ici, c'est bid'a. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonner leur ignorance. Tfadl. Naam, la sœur dit, je pense que c'est une influence soufie et que c'est très répandu en Turquie. Question suivante d'une sœur. Cher, je voulais savoir si on nous a fait une cautérisation lors d'une opération avant qu'on soit dans le din, sommes-nous excusés? Pouvons-nous faire partie de cette catégorie qui ne sera pas jugée et entrera au paradis directement? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal cher. Afwan Muslim, je n'ai pas entendu le début de la question. J'ai entendu seulement à nous excuser. Dame, je vous répète la question. Pouvons-nous faire partie je voulais savoir si on nous a fait une cautérisation lors d'une opération avant qu'on soit dans le din, sommes-nous excusés? Pouvons-nous faire partie de cette catégorie qui ne sera pas jugée et entrera au paradis directement? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal cher. Tout à l'heure, quand la personne a parlé, tout à l'heure, quand la sœur a posé des questions sur les sœurs qui lisent Edidi, c'est pas le soufisme, la sœur a confirmé et a cité qu'elles étaient en Turquie ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas un pays dans le monde où les gens sont par conséquent du minhaj salafi, comme la Turquie. Subhanallah al-Azim. J'ai été là. J'ai été dans leur mosquée, j'ai vu comment qu'ils prient, subhanallah al-adhim. Si vous voyez comment les hommes prient, la façon dont ils prient, ça vous suffit. Et comme disaient les salafs, ils disaient, si tu veux voir le din de quelqu'un, regarde seulement comment qu'il prie, c'est tout. C'est vrai. Tu veux voir quelqu'un, il est sur la sunna, le minhaj ou pas, regarde comment qu'il prie. Si tu le vois lever les yeux vers le ciel, tu le vois au lieu de mettre les mains sur sa poitrine, il les met par exemple sur son nombril, sur ses hanches, ou bien quand il n'y a pas de khushu, en liaison à l'inclination entre le sujoud, ça veut dire que vraiment, vraiment, il est loin. Là, tu dis celui-là, vraiment, il est loin de la sunna. Al-Muhim, donc, je dis que puisse Allah subhanahu wa ta'ala les aider car elles sont dans un endroit vraiment où il n'y a pas de science, un pays vraiment, vraiment, vraiment où il n'y a pas de science. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les aider. Al-Muhim. Donc ensuite, l'autre question, je voulais savoir si on nous a fait une cautérisation pour nous excuser. Naam, Inch'Allah ta'ala, on est excusé. Pourquoi? On n'était pas dans le din. Repentir, dans le hadith sahih, qu'est-ce qu'il fait? Allez, premièrement. Et deuxièmement, même si tu étais dans le din et que tu avais besoin de cautérisation, c'est pas interdit. Le prophète a dit que la guérison se trouvait dans l'une de trois choses. Entre autres, la cautérisation. Il ne fallait pas, yani, il ne faut pas faire la cautérisation que lorsque il n'y a d'autre remède que la cautérisation. Non, dans ce cas, c'est là. Pouvons-nous faire partie de cette catégorie qui ne sera pas jugée? Naam, on peut faire partie de cette catégorie car la Tauba La Tawba, Naam, on l'avait démoli ce qui l'a précédé. Et quand quelqu'un fait une chose avec djahl et ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala, Naam, ne le blâme pas. Parce qu'il a fait ça par djahl. Il peut lui donner des siyyi'at pour ne pas avoir demandé la science. Mais à le châtier ou bien le torturer ou bien le priver d'une chose, question suivante, question d'un frère. J'ai une question pour savoir le comportement adopté face à une situation. J'ai été chez mon voisin lui offrir de l'encens, comme il utilise beaucoup, cela afin d'entretenir les liens du voisinage. Il m'a fait rentrer chez lui et m'a dit qu'il guérissait des personnes et qu'il vivait de cela. Il m'a fait voir des versets du Coran. Et quand j'ai retourné la feuille, il y avait une étoile à 5 branches avec des lettres écrites en arabe. Il porte des amulettes sur lui. Aujourd'hui, il m'a fait entrer chez lui pour me montrer qu'il soignait une petite fille. Il a un comportement qu'il montre qu'il n'est pas pieux. Il s'est battu avec le propriétaire et le voisin. Il écoute la musique. Je ne l'ai jamais vu dans les mosquées aux alentours. Que dois-je faire face à cela ? Dois-je en informer les personnes qui vont chez lui qu'ils ne doivent pas s'y rendre? Barakallahu fikum. Tafadhal cheikh. Naam. Si tu sais que quelqu'un va aller chez lui, je te dis mieux. Si tu sais que quelqu'un va aller chez lui et que tu ne l'informes pas, tu as des péchés. Vous n'avez pas écrit numéro 1 pour savoir si vous m'entendez. Alhamdoulilah. Je te redis, si tu sais que il y a des gens qui vont aller chez lui et tu les mets pas en garde contre lui, tu auras des péchés au Qiyam. Pourquoi? Car tu n'as pas fait la nasiha. Et le hadith a dit dinun nasiha. Le din, c'est tu n'as pas fait de conseil à ces gens-là, tu les as laissés s'égarer avec cet égaré. Avec cet égaré. Tu as aidé cet homme, tu l'as aidé à ce qu'il ait beaucoup de clients. Au lieu de faire de sorte pour lui limiter les clients en leur faisant une mise en garde, toi tu te tais, tu leur montres pas. Donc il va avoir beaucoup de clients à cause du fait que tu t'es tué. Tu n'as pas montré le haq. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Question suivante, question d'un frère. Si quelqu'un tombe et se cogne souvent, faut-il qu'il fasse une ruqya? Et si oui, est-ce que cela l'empêchera d'être parmi les 70 000 qui entreront au paradis sans jugement? Tafadhal cheikh. Tu as dit si un enfant ou là, si un homme tombe, qu'est-ce que tu as dit? Ni l'un ni l'autre, cher. J'ai dit si quelqu'un tombe et se cogne souvent. Tafadhal cheikh. Là, maintenant, il faut voir pourquoi il tombe. Défaut dans son pied. Par exemple, un pied plus grand ou le plus long que l'autre, par exemple. Ce qui le fait tomber. Ou bien parce que, par exemple, il est très faible. C'est quelqu'un de très faible qui a l'anémie ou quelque chose comme ça. Il faut voir pourquoi il tombe. Est-ce qu'il a cette maladie-là qui le fait tomber ensuite? Épilepsie, par exemple. Non, il faut qu'on voit pourquoi il tombe. Si maintenant, Non. Voilà, après avoir fait ceci, scanner, ceci, cela, il n'y a rien. Rien, non, tout est mashallah. Dans ce cas, qu'il passe à la ruqya. Parce que peut-être c'est un djinn, peut-être. Vous avez compris? Donc il commence à la ta'ala pour voir yani, s'il est normal, comme tous les gens. S'il est comme ça, normal, et qu'il tombe toujours et qu'il se colle, alors qu'il fasse, inshallah ta'ala, une ruqya. Et dans ce cas, c'est pas la peine de répéter toujours la même phrase, que dans ce cas, s'il fait ruqya, il est toujours parmi les 70 000. Pourquoi? À cause de la règle. C'est quoi la règle? Qu'il a fait ruqya par besoin. Il n'a pas fait ruqya avant de tomber malade. C'est ça l'interdiction. Je ne suis ni malade ni rien, je vais faire ruqya. Non. Maintenant, non seulement je suis malade, mais encore, je n'ai pas trouvé de solution. Il ne me reste que la ruqya. Dans ce cas, inshallah ta'ala, la personne ne sort pas d'un Cheikh Ibn Baz. Rahimahumullah ta'ala. Tfadlal. Question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum, Cheikh. Une sœur demande. Nuh, alayhi salam, a vécu 950 ans. Était-il vieux à sa mort? Les gens qui naissaient et grandissaient de son vivant, croyaient-ils à son âge? Connaissons-nous son état physique au moment de sa mort? Fadal Cheikh. Si c'est possible, Barclavic, de répéter, tu as dit que était-il vieux et est-ce qu'on connaît son état physique et quoi encore? Donc, était-il vieux à sa mort? Les gens qui naissaient et grandissaient de son vivant, croyaient-ils en son âge? Et connaissons-nous son état physique au moment de sa mort? Fadacher. Muslim, toi, qu'est-ce que tu as compris par la question « Croyait-il en son âge ?» Qu'est-ce que tu as compris par là, Tfadlal? En fait, dans la question, elle voudrait savoir si les gens qui ont vécu donc en son époque avaient-ils le même âge que lui, ou alors est-ce que c'était des gens qui vivaient de, par exemple, 100 ans, donc ils avaient une courte durée de vie par rapport à nous, par rapport à lui, Afan. Est-ce que c'était des personnes qui avaient le même temps de vie, ou alors est-ce que c'était des gens qui vivaient par exemple 100 ans et donc ils avaient du mal à comprendre, à le croire lorsqu'ils disaient que lui avait 950 ans ou plus. Toi, Nacher. Salam. J'ai dit il a vécu 950 ans. Certains ont dit seulement dans la dîme il a vécu 1000 et quelques ans, peut-être. Si on va supposer que ça veut pas dire que les autres par exemple vivaient 100 ans ou les 50 comme nous et lui il a vécu 950, donc ça les étonnait, etc. Non, eux aussi vivaient comme ça depuis Adam alayhi salam, le premier homme, jusqu'à la fin du monde. On est quoi? Ça va toujours rétrécir. Adam, c'était 1000, au temps de Adam alayhi salam, lui-même a vécu 1000 ans. Ensuite, ça a commencé à descendre. Peut-être Noé, c'était aussi 1000 ou 950. Ensuite, ça descend, 500, 400, 300, 200. Et maintenant, on est à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amaru ummati, bayna sittina wa sab'in, wa qalilun man yujawiz » Authentique. Il a dit: les gens de ma 60 et 70. Il a dit, c'est rare celui qui dépasse. Donc vous voyez que, yani, nous vraiment on est, yani, on descend. Maintenant c'est maximum, yani, il a dit 60-70. Quand tu lui dis quel âge tu as, il te dit 80 ans. Tu dis, masha'Allah, combien qu'il a vécu? 90, masha'Allah, 90. Alors qu'autrefois 90, c'est un bébé. Elle-même. Donc ça c'est la première question. La deuxième, elle a dit, est-ce qu'on connaît de lui quelque chose sur son physique avant de mourir? On connaît rien de lui. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu dans certains tafsirs, c'est connu que il y a Nuh, Naam. Qu'est-ce que tu as ressenti, yani, au maintenant, au moment de mourir, qu'est-ce que tu ressens? Il a dit, c'est comme si je suis rentré d'une porte. Et comme ça, toute personne, quand le moment de sa mort va arriver, si elle meurt, yani, ce sont ses derniers jours, même si elle a vécu 70 jours, 70 ans, 80, ou comme Nuh, 950, tu lui dis, est-ce que pour toi tu as vécu beaucoup? Il te dit, non wallahi, pour moi, c'est comme si, yani, je venais de naître il y a 2 ou 3 jours. C'est comme ça. Si tu restais des millions d'années sur cette terre, tu voudrais encore plus. Tu voudrais encore plus. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puisqu'il y a une fin. S'il n'y avait pas de fin, d'accord. Mais il y a une fin, donc à quoi ça sert qu'on m'ajoute 20 ou 30 ou 100 ans? L'essentiel, c'est que Allah Ta'ala m'a donné, c'est de le remplir de quoi? D'obéissance pour le rencontrer ravi de moi, c'est tout. Quant à comment qu'il est mort sur cela, Inch'Allah Ta'ala, tafadhal. Question d'une sœur. Dans la ville où j'habite, il y a une maktaba salafia. Et les frères de cette maktaba qui sont salafis, mashallah, pratiquent la ruqya sur des sœurs dans un petit studio proche de la maktaba. Et j'ai remarqué que le frère qui fait la ruqya s'isole tout seul avec la sœur sur qui il fait la ruqya. Et j'ai trouvé cela étrange car il n'y avait ni le mahram de la sœur ni son wali. Et cela se passe souvent comme ça. Je voulais donc savoir si cela était licite. Est-ce licite qu'une sœur s'isole avec un frère pour que ce dernier lui fasse ruqya? Barakallahu fikum. Tafadhal cher. Naam, s'isoler pour la ruqya, c'est haram. Haram, haram. Et ce frère-là, vous devez lui faire la nasiha. La personne qui a posé la question doit lui faire la nasiha. Ne serait-ce, comme ça carrément à la peur de lui, ou je ne sais pas quoi, en lui envoyant une lettre. Naam. En lui disant que ce que tu fais c'est haram, j'ai demandé aux savants, bon, les savants pas moi, les hommes de science ont dit, ou là, tu dis quoi? Et c'est vrai, c'est plein sur internet. Rentre sur internet et écris, il y a ni l'isolement pour la ruqya, est-ce que c'est permis? Tu vas trouver que non, c'est haram. Et si cette personne ne s'arrête pas de faire la ruqya avec isolement, il faudrait quoi? Il faudrait faire de sorte, yani, comment mettre en garde contre cette personne. Maintenant, ça revient à nous. Il faudrait que vous me disiez qui la personne, etc. La ville, le quartier, le nom de la personne aussi, si c'est possible. Pour que les gens prennent garde de cette personne. Car je connais personnellement là, des gens qui ont fait la ruqya et qui zina plusieurs fois avec des sœurs. Naam, des sœurs, zama des sœurs. Pour que le djilbab, c'est tout. Naam. Et je connais quelqu'un qui est resté, qui fait la ruqya. Pendant 10 ans, il a fait la zina avec une sœur. Pendant 10 ans. Et quand est-ce qu'on l'a su? Quand elle a fait le repentir. Et alors, elle a mis en garde contre lui. Naam, sinon personne ne l'aurait su. Elle disait que il faisait pas ruqya en tête à tête, hein. Il faisait rentrer 10 femmes à peu près. Et il lit comme ça en groupe. Ensuite, il commence par celle-là. Et celle-là avec laquelle il faisait zina, il l'a laissé la dernière. Ensuite, les autres, elles ont terminé la ruqya, elles sortent. Il reste tête à tête avec elle. Et vous savez ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment grave. C'est là qu'il fait la ruqya en tête à tête. Et s'il n'arrête pas, il faut me ramener son nom, son prénom, la ville, les détails. Pour lui, mais avant cela, il faudrait que vous l'avertissiez. Pour pas que on va y aller, comment dire, dévoiler les gens comme ça. Non, on lui fait une nasiha. Mais une fois, deux fois, trois fois. S'il n'arrête pas, ça veut dire que c'est lui qui cherche les meshakils. C'est lui qui cherche les problèmes et qui veut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tafadhal. Question suivante. d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, cher. On parlait de Ruqya avec une sœur la dernière fois et je lui ai demandé. Smahli de t'avoir pris le micro juste pour ne pas oublier une chose. Personne, inshallah ta'ala, moi je lui demande. D'aller, inshallah ta'ala, lui faire nasiha à ce frère. Naam, d'aller lui faire nasiha. Et même. Même de lui, tu as peur d'écouter Ola, tu lui dis à quelqu'un, tu peux même citer mon nom. Il y a quelqu'un, je lui ai posé la question, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala car c'est pas permis. Naam, crains Allah subhanahu wa ta'ala car c'est pas permis de faire cela. C'est haram le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la yakhlu rajul bimra'atin illa wa kana thalithuhuma shaytan. Que jamais un homme ne reste en tête à tête avec une femme sans que le troisième ne soit le shaytan. Et si le troisième est le shaytan, qu'est-ce qu'il va faire le shaytan? Il va faire le waswas à celui-ci. Et à celle-là pour que yani, il fasse le haram. Voilà, et tu lui dis taqillah subhanahu wa ta'ala, et que la personne te dit si tu ne taqilles pas, tu ne taqilles pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors on va faire une mise en garde contre toi. Alors taqillah subhanahu wa ta'ala. Atfadl. Non, donc la question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, cher. On parlait de Ruqya avec une sœur la dernière fois, et je lui ai demandé de me faire Ruqya machinalement en oubliant le hadith, et quand je m'en suis souvenu, il était trop tard. Où en suis-je par rapport au hadith? Jazakumullah khairan. Tfada, cher. Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun problème, car tu viens de dire que tu l'as fait dans un état de distraction et d'insouciance. Ensuite, quand tu t'es rappelé, donc il y a rappel, s'il y a rappel, donc il y avait oubli. Il y avait oubli, ensuite il y a eu rappel. Quand on oublie une chose, Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne saisit pas une personne si elle a oublié ou si elle s'est trompée. Ensuite, je profite ici pour dire une chose importante que j'avais oublié de dire. C'est pour ça que tu as entendu que ta soeur fillah est malade ou bien ton frère est malade, si toi tu es un frère, qu'est-ce que tu fais? N'attends pas que la personne te dise viens faire ruqya, va chez elle ou la faire ruqya inshallah ta'ala. Comme ça tu l'aides aussi pour qu'elle ne rentre pas dans les 70 000. Naam, comme ça tu l'as éloigné de tout doute. Voilà, elle n'a pas demandé qu'on fasse ruqya, même si ça se fait, mais elle n'a pas demandé, alhamdoulilah. C'est toi, naam, qui lui a proposé. C'est pour ça les savants disent, quand tu rentres, par exemple, tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, tu vas visiter un malade, naam, c'est sunnah aussi, et ça se fait aussi, de poser ta main, par exemple, sur la tête de la personne, et de lui lire, par exemple, le fatiha, ou bien lui faire les doigts. اللهم رب الناس ذهب البأس وشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اي كوم سا نعم دان كوتي صافي بليز اي دو لوتر tu le pousses pas ce qu'ils te disent بارك الله فيك يعني لي مو لي كيك شو سور مو تفضل. Question suivante, question d'une sœur. Barakallahu fikoum, cher, pour le temps que vous nous consacrez. Allah vous compte parmi les 70 000 qui entrent au paradis sans jugement, ainsi que les admins et tous les participants. Allahumma amin. Ma question est la suivante. Est-ce que le fait d'aller chez le médecin et prendre des médicaments rentre dans la demande de ruqya citée dans le hadith où cela concerne que la ruqya, lecture du Coran? Si on souhaite faire partir des 70 000 personnes, devons-nous délaisser cela? Tfadal, cher. ce qui me plaît aujourd'hui, ce soir, et c'est vraiment spécial, j'ai jamais vu ça, c'est que toutes les questions aujourd'hui sont sur le cours. Il y a ni monstru. Allah ibarak. Et aujourd'hui, c'est seulement ruqya, ruqya, ruqya. C'est la ruqya. Vous savez ça. Les de la ruqya. Non, pas de divorce, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on fait sortir seulement les djinns. On fait sortir les djinns et le sihr et le mauvais œil, alhamdoulilah. Taïb, donc c'était quoi la question? Pour les médicaments. Naam, les médicaments ne rentrent pas dans la ruqya. Car, naam, c'est quoi? C'est adhiya. Ruqya, ça vient du mot dua. Comme on a dit tout à l'heure. Et médicaments et cracher, etc., ça n'a rien à voir avec les doigts. Au contraire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans Soulen, et Cheikh Al-Albani a dit authentique. Il a dit, ya ibadallah, tadawu, comme ça il a dit, tadawu, c'est-à-dire, soignez-vous. Voilà, tadawu bi haram, mais ne vous soignez pas avec le haram. Il a dit, Inna alladhi anzala ad-da, anzala ad-dawa. Il a dit, celui qui a descendu le, comment il s'appelle, la maladie, a descendu aussi le remède. Dans un autre hadith, il a dit, alima man alima ou jahila man jahila. Qu'il l'ait su. Yani celui qui l'a su, ou bien qu'il l'ait ignoré, celui qui l'a ignoré. Ça veut dire, le remède existe. De remettre pour cette maladie, ça ne veut pas dire parce que le médicament n'existe pas, mais parce que les gens l'ont ignoré, ne l'ont pas trouvé. Sinon, lui, il existe le médicament. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tadawu, tadawu, c'est-à-dire soignez-vous. Et nous, quand on se soigne, quand tu as une maladie, on commence toujours par les doigts. Et même en prenant des médicaments, qui t'empêche de faire des doigts? Je vais prendre, j'ai ma tête qui me fait mal. Qui m'empêche de prendre un cachet Aspro et de faire la doua, Allah, Allahumma rabbin nas, dhibil ba's, wushfi, inta shafi, la shifa'a illa shifa'ak, shifa'an la yughadir suqman, ou saqaman, et je bois. Ou bien que je dise, ya rabbi shfini, je bois. Naam. Donc c'est permis, inshallah ta'ala, mais on commence toujours par les doua, bi'idhnillahi ta'ala, tfadhal. Question suivante. Question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense cher pour tous vos efforts. Ma question est la suivante. Quels sont les adillas des savants concernant le fait d'inclure ou d'exclure les gens qui demandent qu'on leur fasse un ruqyad des 70 000? Chacun des deux avis, barakallahu fikoum. Fadal cher. Rafoun, j'ai pas entendu la question, jazakallahu khairan. Quels sont les adillas des savants concernant le fait d'inclure ou d'exclure les gens qui demandent qu'on leur fasse ruqya par rapport aux 70 000? Donc chacun des deux avis, les preuves par rapport aux deux avis. Tfadal cher. Franchement, je n'ai pas compris ce que ça veut dire cette question. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire ici, inclure et sortir. Qu'est-ce que ça veut dire ça, inclure parmi les 70 000 ou la... C'est pas la question, tfadal. Ah, moi, ce que je comprends, cher, après, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je comprends que dans sa compréhension, il y a des personnes qui demandent la ruqya. Et ce sont des personnes qui sont excusées et qui ne sont pas forcément dans les 70 000 personnes malgré qu'ils aient demandé. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont demandé et n'ont pas attendu qu'on fasse un ruqya sur eux. Et malgré cela, ils ne sont pas considérés comme ces 70 000. Là, Anoum, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas après si c'est ce qu'a voulu dire la sœur. Donc, Inch'Allah, je demande à la sœur de me dire en PV si c'est bien ce qu'il fallait comprendre de la question. Vu qu'il reste 12 minutes et que je n'ai pas encore de réponse, pour éviter de perdre du temps, je vais vous poser la question suivante, Inch'Allah. Question d'une sœur. Barakallahu fikoum pour vos cours qui nous éclairent chaque jour sur la voie droite. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, ainsi qu'aux admins. Vous nous avez éclairci d'une façon claire et concise, walillahil hamd, sur le hadith des 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Qu'Allah fasse que nous tous soyons parmi eux. Amin. Vous nous avez également bien détaillé comment guérir du mauvais œil par les voies légiférées. Je voudrais par ailleurs savoir comment la personne qui se sait comme étant hassid peut guérir. Comment va-t-il guérir du mauvais œil qu'il jette sur les autres volontairement ou involontairement? Barakallahu fikoum. Désolé pour la question longue. Pas d'achat. Dis-moi si j'ai bien compris. La question ici parle de la personne elle-même. Voilà. Je voudrais pas savoir comment la personne qui sait comme étant hassid peut guérir. Comment va-t-il guérir du mauvais œil qu'il jette sur les autres involontairement? Non, mais vous m'entendez. Ce qu'il faut savoir, non, ce qu'il faut savoir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que toutes les personnes ont le hasad dans son cœur. Ce qui est interdit, ce n'est pas d'avoir le hasad, mais de faire le hasad. Vous avez compris? On a tous quelque chose, yani, ancré en nous, qui s'appelle le hasad. Mais cette chose, tu peux la dompter. La dompter avec la piété, etc. Elle devient quoi? Elle devient ça y est, elle ne fait plus de mal. Ou bien tu la laisses. Le hasad que tu as dans le cœur, tu le laisses. Bien, tu l'attises comme le feu, il devient c'est lui qui commande. Et tu n'es pas une personne qui va te préserver de ton mal, a'oudou billah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, qu'a-t-il dit dans le Coran? Qul a'oudou bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Wa min sharri, c'est-à-dire je me réfugie auprès d'Allah, du mal. Wa min sharri hasid, c'est la personne hasid. Il ne s'est pas réfugié du hasad lui-même, mais de la personne si elle fait le hasad. Il va hasad. Vous savez, que la personne ne fasse pas le hasad, il faudrait premièrement qu'elle dise, c'est Allah Ta'ala qui a donné à cette personne. Or, moi, si je la hasad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas satisfait et ravi du décret d'Allah Ta'ala. C'est comme si j'ai dit sans le vouloir, Ya Allah, pourquoi cette personne tu lui donnes, elle ne mérite pas. C'est moi qui mérite. Alors c'est très grave. Quand maintenant tu sais que quand tu fais hasad, ça veut dire tu contredis, tu veux contredire le décret d'Allah, le qada Allah, là c'est très grave, tu auras peur. Donc tu es d'où l'importance de la croyance au destin après destination. Et deuxièmement, Allah Ta'ala donne à qui il veut. Et comme il a donné à cette personne, il peut me donner aussi à moi. Alors au lieu au lieu que je demande à Allah Ta'ala qu'il lui enlève ce qu'il lui a donné, je préfère faire des doigts pour moi. Je demande qu'il me donne aussi, comme il a donné par exemple à cette personne. Naam. Et comme ça la personne, inshallah ta'ala, à chaque fois qu'elle veut sentir qu'il y a le hasad qui veut sortir de son cœur, naam, elle commence à dire, par exemple, comme ça. Et surtout, surtout, pour encore se mater, et mater nefs habita, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la troisième chose. Tu fais des doigts de tabarruk. Tu dis Allahumma barik lahu. Allahumma bénis-lui son argent. Bénis-lui ses biens. Bénis-lui ses enfants. La chose que tu veux, hasad. Tu veux hasad sa voiture. Allahumma bénis-lui sa voiture. Tu veux là. Alors tu vas quoi? Tu vas te faire la guerre à toi-même. Et à ton nefs al-khabita, tu vas la mater. Tu vas la mater. Elle veut hasad, tabarruk, tu dis Allahumma barik, Allahumma barik, et comme ça, yani, un de ces jours, pas longtemps, tu vas voir que ton nefs va être dompté comme un lion qu'on met dans la cage. Classe, il devient, classe, il ne peut plus faire de mal. Il est emprisonné, bi'idhnillah, emprisonné par la taqwa et la piété, bi'idhnillah ta'ala. Tfadhal. Non, ma question suivante, question d'un frère. Cher Hafizakum Allah, j'ai une personne dans ma famille qui fait fondre du plomb et qui le fait refroidir devant une tierce personne pour voir si elle a du mauvais œil. En arabe, ils appellent ça l'afif. Est-ce que cela est légiféré ou non? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Muslim, est-ce que tu as posé la question? Car je n'ai rien. Non, monsieur, est-ce que vous avez du son, Inch'Allah? Avant que je relise la question. Monsieur, est-ce que vous avez du son? Non, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Donc je répète, question d'un frère. Cher Hafizakumullah, j'ai une personne dans ma famille qui fait fondre du plomb et qui le fait refroidir devant une tierce personne pour voir si elle a du mauvais œil. En arabe, ils appellent ça rahfif. Je ne sais pas si je le prononce bien. Est-ce que cela est légiféré ou non? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen dans son livre, comment il s'appelle, un livre très connu dans la Qawl Mufid, Sharh Kitab Tawhid, il dit que ça rentre dans la sorcellerie. Ça rentre dans la sorcellerie. Naam, ça peut même rentrer dans le shirk. Subhanallah al-Azim. Donc ce que fait cette personne, c'est grave. Et le statut du sorcier, c'est d'être tué. D'être tué, sauf s'il fait la tauba. Donc s'il y a un moyen, comment conseiller cette femme, lui dire Taqillah subhanahu wa azzawajal. C'est ce qu'elle fait, c'est le travail des sorciers. Naam. Tfadhal. C'est très connu chez les femmes. Ce qu'elle fait, fendre le plomb, c'est très connu chez les femmes. Surtout ici en Algérie, je crois, et au Maroc. Très connu. Ils amarrent comme ça, ils enlèvent le mauvais œil et le sihr. Et ils te Question d'une sœur. Est-ce vrai qu'évaporer l'urine d'une personne ne pouvant avoir d'enfant peut la guérir? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Tfadhal, cher. J'ai pas entendu tous les mots de la question. Non, la sœur demande, est-ce vrai qu'évaporer, donc faire évaporer l'urine d'une personne ne pouvant avoir d'enfant, peut la guérir? Fadal Cher. Non, c'est pas vrai. Non, ça n'a rien à voir avec le remède à cette chose. Ça rentre dans la bida. Non, ça rentre un peu dans le shirk aussi. De prendre un sabab que Allah Ta'ala n'a pas fait comme sabab. Ça aussi, ça rentre dans le shirk, disent les savants. Il n'y a ni verset, ni hadith en ce sens. Il n'y a même pas un affaire des sahaba ou des tabi'in que on fait comme ça pour la femme yani qui n'a pas d'enfant. Fattakullah subhanahu wa ta'ala, éloignez-vous du shirk si vous voulez rencontrer Allah Ta'ala ravi de vous. Tfadhal. Naam, cher, donc ça sera la dernière question inchallah pour ce soir. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve ainsi que les admins. Amin. Depuis des mois, je traverse des moments difficiles. J'aimerais savoir si ces derniers sont liés à un mal occulte ou à une maladie du cœur. Je vous cite certains symptômes, cher, afin d'avoir une réponse et une aide, bi'inillah. J'ai beaucoup de mal avec les actes d'adoration qui me sont devenus très difficiles et pénibles, tels que la lecture du Coran, la salat, la lecture des kutub, etc. J'ai annulé mon mariage sans consommation après 2 ans, car il y a eu énormément de problèmes et la personne n'avait pas une bonne influence sur moi. Je suis nerveuse, triste, je passe du rire aux larmes et ainsi je montre une mauvaise image à ma famille du din. Je ne peux m'empêcher de regarder des programmes déviants. J'ai des plaques qui me sont apparues sur le corps avec le stress. J'ai l'impression que je suis hypocrite et qu'Allah ne me pardonne pas mes péchés et n'exauce pas mes invocations. Wa'udhu billah, beaucoup de waswas. Et aussi, cher, j'ai honte de le dire, mais j'ai beaucoup de désirs charnels. Qu'en pensez-vous, cher? Barakallahu fikoum. Toi, dal, cher. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Je commence par la fin. Lorsqu'elle a dit qu'elle avait beaucoup de désirs charnels. Il faut voir qu'avant cela, elle avait dit que elle voyait des programmes déviants. Donc, il y a une relation entre les deux. Quand quelqu'un craint Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il passe ses moments, beaucoup de moments, beaucoup de son temps à lire le Coran, à écouter des cours, à ceci, ses désirs diminuent. Et il n'a pas le temps de penser à ces choses-là. Même si c'est une chose naturelle. Mais ces choses-là ne vont pas, yani, lui faire des problèmes. Naam. Disons, yani, ça va lui poser des problèmes à cause de ça. Non, il va oublier ça. Il va oublier ça. Pourquoi? Parce qu'il est avec autre chose. Il veut se rapprocher d'Allah, il veut apprendre, il veut yani, avancer dans sa religion, et comme ça. Mais si la personne délaisse ce que je viens de dire, et par contre va voir des choses qui sont haram, etc., ça va éveiller en elle des choses. Éveiller en elle des choses. Et comme la personne n'est pas mariée, on craint pour la personne donc qu'elle fasse le haram. Qu'elle fasse le haram. Ou bien avec un homme, a'oudou billah, c'est très grave. Ou alors, yani elle seule. Elle seule, il y a aussi des moyens de faire le haram. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Donc, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que pour moi, c'est une question beaucoup plus, yani de nafs. De nafs que de ruqya. C'est-à-dire que la personne devrait se ressaisir. Ressaisir, l'âme, s'asseoir comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, et dire, voilà tous les défauts que j'ai. L'âme. Et voilà en quoi j'ai regressé. Je faisais tel et tel, je vais marche arrière. Donc maintenant, il faudrait que je me ressaisisse et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. Et elle commence à se ressaisir. La première des choses, qu'elle jure par exemple, si elle sait qu'elle ne peut pas faire des choses sans jurer, qu'il jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant de faire tawba et de ne plus revoir ces choses de haram. Déjà en faisant cette chose, elle va sentir une ni'ma, une rahma qu'Allah Ta'ala, une sakina qui va lui descendre dans son cœur pour avoir décidé de combattre Shaitan et de se rapprocher vers Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'elle donne beaucoup d'importance au dîn, c'est son capital. On ne vit que pour cela. Tous les autres, c'est éphémère, ça part vite. Non, c'est trompeur. Non. Et quand elle commence maintenant à faire un programme et yani, à s'organiser, tu vas voir comment tout va lui sourire bien. Elle va sentir qu'elle est joyeuse dans son cœur, qu'elle est gaie, non, qu'elle ne veut que avancer dans le dîn, qu'apprendre, que ceci, que cela. Et ensuite, une chose très importante, pour terminer, c'est qu'elle doit se marier bi'idhnillahi ta'ala. Ayant les désirs dont elle parle, elle devrait faire son possible, inshallah ta'ala, pour faciliter le mariage. Et non pas chercher celui qui a rempli toutes les conditions. Mais devrait, inshallah ta'ala, faire son possible pour se marier vite avec quelqu'un, inshallah, qui est bien dans le din. Et qui, même s'il est moyen financièrement, c'est pas la peine qu'il soit fort, moyen financièrement, quelqu'un qui a un petit toit, quelqu'un qui a un petit travail, et inshallah ta'ala, commence une nouvelle vie avec des enfants, etc. Inch'Allah, tout va passer. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala la guérir, lui ouvrir sa poitrine, naam, et l'aider. Je ne peux pas me marier, je ne connais pas de sœur salafiyette, je vais à la campagne. Je ne peux pas me marier, je ne connais pas de sœur salafiyette. Donc, musulman, c'est un frère celui-là. Il a dit, je ne connais pas de sœur salafiyette. C'est un frère. Moi, je croyais que je parlais à une sœur. Une sœur. Non. Pourquoi elle a dit, je ne connais pas de sœur salafiyette? Elle devait dire, je ne connais pas de frère salafiyat. Pour avoir des contacts qui l'aident. Non. Non, même à la campagne, quand elle sort pour aller acheter, pour aller je ne sais où, et qu'on la voit les pieuses, comment qu'elle marche, la façon de marcher, etc., il y a toujours un homme, un musulman qui voudrait d'elle. Il y a toujours un musulman qui désirerait qu'elle soit sa femme. Non, qu'elle fasse comme ça les causes pour assister par exemple à des mariages musulmans. Non. Pour dire comme ça des sœurs de l'aider aussi, par exemple d'aller à la mosquée et comme ça, non, qu'elle reste pas comme ça à la montagne. Et maintenant, même à la montagne, puisqu'elle a internet, elle peut rentrer dans des forums de salafiyettes. Il y a des forums où il y a seulement des salafiyettes, des sœurs, machallah. Elle pourrait, non, rentrer en contact avec des sœurs dans le salon ici, par exemple. Non, il y a beaucoup de tkfiri dans son coin. Naam, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui envoyer quelqu'un qui est dans le minhaj. Et si elle est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui exaucera ses doigts bi'idhnillahi ta'ala. Naam, nous aussi on lui fait des doigts, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider et lui donner une solution qui la ravirait. Amin ya rabbal alamin, subhanak illahumma bihamdik, ashhadu la illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, fikum barakallah. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.